Bonjour, samedi 20 février 2022. Je vais laisser les gens arriver un petit peu. Donc, on a eu une journée, c'était hier, c'était spécial, là, le direct. Je suis un petit peu plus de bonne humeur aujourd'hui. Je repensais à ce qui se passe à Ottawa et savez-vous quoi? Je pense que c'est une bonne chose que ce se soit passé comme ça, puis je pense même que c'est une bonne chose de la part de notre premier ministre d'avoir mis en place, d'avoir, ben, ce n'est pas encore passé au vote, là, on devrait voir ça demain, d'avoir, par rapport à sa loi sur l'état d'urgence. Pourquoi? Parce que Justin Trudeau, ça fait des années que des gens le dénoncent, ça fait des années que les gens lui disent « Bonjour Maxime », ça fait des années que des gens disent que c'est un despote d'extrême gauche, qu'il est complètement fou. Eh bien, tout ça serait sans fondement, serait sans valeur si nous ne le démontrions pas. Ce qui veut dire qu'à moyen terme, c'est peut-être la seule façon de se débarrasser de lui, c'est de faire en sorte qu'il agisse d'une façon irrationnelle. Donc, d'une certaine façon, ça va avoir réussi. Ça va avoir réussi. Je sais qu'à court terme, c'est une déception, mais à long terme, à moyen terme, même, je dirais peut-être que c'est la seule façon de finalement nous en débarrasser. Nous en débarrasser, c'est une façon de parler. Bonsoir Marie-Jeanne, Sylvie, Emma, Camille Terrier, Alex Leduc. Si jamais on a de la visite déplaisante, je demanderai s'il y a des volontaires pour être modérateur, maintenant que je sais comment faire. Donc, si c'est une déception à court terme ou que ce qui s'est passé à Ottawa, ben, je pense que c'est quand même nécessaire. Finalement, M. Trudeau agit exactement comme il doit agir. C'est-à-dire que finalement, il est en train de se discréditer totalement. Je regardais, si vous regardez les unes de journaux dans le monde qui en parlent, il est complètement en train de passer pour, bon, je suis en feu, en vain. Eh bien, bonjour, bonheur, lumière. Donc, il y a aussi... Je repensais à ça, là. Finalement, j'ai décidé qu'il fallait que je trouve une façon de faire en sorte de... Je veux quand même garder un contact avec les gens, mais je veux jusqu'à un certain point me prémunir de ceux qui ont certains troubles. Puis aussi des fanatiques religieux, des choses comme ça. Donc, je vais possiblement, là, après le mois de mars, je dois me rendre dans une autre ville au début du mois prochain. Pour affaire, puis finalement, je pense que je vais... C'est en train de me pousser à réellement vouloir enregistrer une maison d'édition multimédia, au moins créer une structure. J'ai vu un article, là, vous parlez... bonjour, Mathilde, Christy, Virginie. Donc, vous avez vu un article. Je sais pas, là, lequel vous parlez, mais il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, surtout aux États-Unis. Les Américains, là, ben déjà que, bon, c'est que le Canada a tout le temps passé un peu pour le voisin un peu tranquille, un peu fade des Américains, puis possiblement qu'ils n'en reviennent pas là, des proportions que ça prend. Il y a Elisabeth II, nous sommes sujets britanniques au Canada, eh bien, Elisabeth II, ça aurait testé positif au COVID, bien entendu. Je sais apprendre avec des pincettes. Ça veut dire qu'elle a un léger rhume. Tout simplement. Qui disait que son élection ne serait pas légitime? Ils auraient plein de bulletins de vote manquants. Il y a quelqu'un qui a dit ça. Oh, je ne me souviens pas. Vous parlez de Justin Trudeau? Je sais pas. Moi, je pense qu'on a une majorité de gens naïfs, puis il y avait le vent dans les voiles. Trudeau, je pense qu'il était... Vous parlez de Biden? Biden, moi... Ben, vous savez, là, on va les laisser s'arranger, là, les Américains, là, avec leur... On va les laisser ça. On a assez de nos problèmes, non? De Trudeau. Ah, Trudeau? Ah, c'est possible. C'est possible, mais moi, je pense qu'il était réellement populaire. Mais d'un autre côté, vous me faites douter, là, faut pas trop que j'y... Les médias, tout ce qu'ils disent, il faut pas croire, moi. Bon, faut pas non plus systématiquement penser que c'est faux, là, ce qu'ils disent. Mais non, en effet, là, Non, mais Trudeau, juste par ce que je voyais dans mon entourage, il y avait une certaine popularité, là. Trudeau. En tout cas, je pense qu'on y est en train de se caler, là. Ils sont en train. Je pense qu'il est tellement stupide que les gens qui le manipulent sont en train de le lancer, sont en train de s'en débarrasser, puis qu'il s'en rend pas compte, puis qu'il agit selon ce qu'on lui conseille. Puis qu'il est en train de se mettre lui-même dans le pétrin. Ils sont en train de préparer sa sortie et lui, il fait tout ce qu'on lui demande, puis il s'en rend possiblement pas compte. Comme là, il est allé trop loin pour reculer, ils vont débattre jusqu'au bout pour faire passer cette loi-là sur les mesures d'urgence. Mais c'est clairement, ça ne sera pas à son avantage à lui, c'est clairement lié à des intérêts d'autres. Lui, à moyen terme, en tout cas, c'est clair qu'il va pas entrer par la grande porte dans l'histoire, là. Il est en train de se faire. Justin égale Pustin, virgule Trudeau égale Trudecu, OK. Moi, ben, vous savez, là, dans le fond, là, Trudeau, je pense vraiment que c'est un tata. Tout simplement. Même des fois, j'ai dit, il n'est pas si fou que ça. Puis finalement, je l'aurais, oui, c'est pour ça que Klaus Schwab l'aime beaucoup. C'est un peu comme le premier de classe, là. Un peu, il y a des bonnes notes, c'est le premier de classe. Le professeur l'aime, mais c'est un idiot. Donc, exactement, le clown de service, alors, oui, le convoi a été très utile. Ben oui, c'est une vraie honte ce qui s'est passé à Ottawa, au fond. D'aller traiter de terroristes des familles, d'aller. C'était festif, il n'y avait pas. Il y a comme la dame là, qui s'est faite passer dessus par les chevaucheries, mais c'est pas drôle, là, mais ça tombe très mal. Là. Ils n'ont pas envoyé les chevaux. Trudeau serait recruté comme d'autres par Klaus Schwab, leur gourou. Klaus Schwab, Klaus, même, leur gourou. Ouf. Bonsoir, Thérèse. Trudeau est comme Macron, un young leader ici de Davos. Oui, c'est ce que je pense aussi. Ben, que c'est quelqu'un qui a été formé, que, au fond, c'est un coup d'État mondial fait par un système international bancaire, je le vois comme ça. Donc, les Young World Leaders. C'est étrange parce que même le communiste a été financé par des institutions au niveau de ce qui fait tomber, bon, puis de maintenir un bloc d'opposition. Il vient. OK. Il vient tous de même famille. Non, ça, je ne penserais pas, là. Non, Trudeau, on sait d'où il vient. En partie, là. Une chose dont on peut être sûr, là, c'est que Margaret Trudeau, là, c'est bel et bien sa mère, là. De ça, on peut être certain. Margaret Trudeau, qui a été sur le parti pendant. D'ailleurs, c'est la mère du premier ministre. Vous pouvez voir ses parties intimes sur Internet. C'est rare qu'on voit ça, là. Une mère d'un premier ministre, là, mais elle, disons qu'elle a eu des mœurs assez légères, là, vous savez, là, dans certaines années, là, elle aurait eu des. Bon, en tout cas, on tombera pas là-dedans. Là. Ah, famille, ah oui, famille, vous voulez dire famille entre parenthèses, là. Ben oui. Ah, bonheur, lumière qui rit. Ben oui, mais c'est vrai, Margaret Trudeau, on voit qu'elle portait pas de petites culottes quand elle était plus jeune, puis on voit une photo d'elle qui est sur Internet, là, dans le temps, là. Elle était, disons que, bon, appelons ça des mondanités, d'accord? Bon, c'est un autre type de. Pete était cocu, ben oui, c'est sûr, garde ça à la face. Non, je dis pas, il faut pas que non plus que. Bon, c'est sûr qu'avec. Mes beaux-parents sont contents qu'on gèle les comptes des terroristes, les boomers, lobotomisés, applaudiront jusqu'à la dictature décomplexée. Ça ne me surprendrait pas. Ben oui, ça n'a aucun sens. Il n'est pas normal qu'on. C'est rendu que dès qu'on n'aura pas le comportement approprié selon l'idéologie en place au moment où on va se faire couper les vivres, ça n'a pas de sens, là. Ça en est, ça, du communisme parfait. C'est pas normal que le gouvernement et la banque gèlent les comptes de quelqu'un selon ses agissements, ses idées, selon sa pensée. Trudeau suit les étapes de l'agenda, mais les événements de l'agenda ne sont pas arrivés. C'est décalé, ils ont l'air de vouloir aller trop vite. J'ai l'impression que il y a des petits imprévus quand même. Puis aussi, je pense. Klaus Schwab, puis tous ces gens-là, je pense que c'est pas les génies qu'ils croient être. Puis comme j'avais dit, même il y a 2 ans, l'être humain est beaucoup plus complexe que ça. Ça va être beaucoup, beaucoup plus compliqué qu'ils le pensaient. L'être humain est plein de ressources. C'est difficile pour des gens comme ça de comprendre les mécanismes communautaires de survie. Au sens, les gens vont développer des systèmes parallèles, des économies parallèles. Ils pourront pas contrôler. Bon, en tout cas, on verra bien, là. Mais ils provoquent la misère mondialement et après, ils vont se présenter comme nos sauveurs. Oui, mais l'affaire, là, avec la misère, là, on vit quand même dans un monde très abondant si on s'organise intelligemment. Ça risque d'être difficile, à moins de rendre illégal d'être chasseur cueilleur, là, si ça va jusque-là, là, comme dans le temps que on pouvait pas chasser, toute chasse était du braconnage, là. Va falloir trouver une solution intelligente pour sortir de leur système. C'est là où je pense que il va se manifester des ressources insoupçonnées. Qu'on le veuille ou pas, il va se manifester des ressources insoupçonnées. Les gens vont devenir créatifs parce qu'ils n'auront pas le choix. Donc, quelque chose me disait que tu serais là, oui. Ben oui, ah bonjour, Sylvie. Oui, ben c'est certain que dès que je peux, la fin de semaine, j'essaie de faire des lives, là. Possiblement que je vais être très occupé cette semaine. Donc, bon. La Freeland me terrorise encore plus que la marionnette à Trudeau. Elle serait capable de confisquer nos actifs avec un sourire bienveillant. Je sais pas. Vous trouvez pas qu'elle est nerveuse? Je l'ai vue l'autre jour, là, quand Trudeau a fait sa conférence de presse. Elle était pleine de tics. Elle se tortillait comme un insecte dans l'alcool. C'est comme si ses vêtements la brûlaient. Je sais pas trop, là. Elle tenait sa pile de papier, puis on dirait qu'elle était inconfortable. Elle était debout, puis elle n'arrêtait pas de se tortiller. Puis, ben, je pense que c'est quelqu'un qui. Bon, c'est pas bon signe, là, quelqu'un qui a des tics comme ça, là. Je me demande, moi, si elle n'était pas nerveuse et stressée du fait qu'ils se rendent compte que c'est une dérive, là. Ils font partie d'une dérive malgré eux. Ils possèdent la technologie, ça va être dur de se sauver de ça. Oui, il y a ça. Freeland, c'est qui? C'est la ministre. Ministre de quoi, donc, elle? C'est pas de la sécurité publique, c'est l'espèce de gros Italien là, qui est ministre de la sécurité publique. Je me souviens plus. Elle est vice-première ministre, en tout cas. Moi, je me souviens plus. Elle est ministre de quoi? Ils sont nerveux car ils reçoivent leurs ordres à peu de préavis. C'est ce que je pense. C'est ce qui explique que Arruda se contredisait d'une fois à l'autre. Il semblait pas lui-même se rendre compte que il déclarait des choses dont il allait devoir dire le contraire une semaine après. Parce que, justement, on a affaire à des exécutants. Hein, tout simplement. J'ai écouté hier Chute libre. Ah, un Boeing 737 MAX. Les deux crashs de l'avion semblent. L'exemple du profit versus le bien-être des gens. L'argent gagne pour un instant, pour combien de temps? Je connais pas le film. Ah, de rien, Marie-Jeanne, mais je ne sais pas à quoi vous faites référence, me remercie. Vous savez, j'ai pas Netflix. Ben, j'ai jamais écouté, j'écoute pas vraiment de films non plus, ben, là. Surtout des films récents. Mais, oui. Là, la ministre des Finances, ah, ben oui. Normal que ce soit vice-première ministre. Il faut tout perdre pour devenir créatif, mais ça demande des ressources que tout le monde n'a pas. Là, je suis pas sûr. On n'est pas obligé de tout perdre, là, puis de vraiment faire table rase pour être créatif. J'espère que non. Geneviève, oui, je l'ai vu s'agiter sur pied en division Internet. Interne. Un burn-out en vue. Ouais, ce qui est inquiétant, c'est que si elle, bon, son système nerveux flanche, ils vont mettre quelqu'un d'autre. Prenez Boileau, là, j'aimais quasiment mieux Arruda. Schwab et compagnie dirigent à distance avec des métriques plutôt qu'avec une connaissance du terrain. Ça donne une impression d'être traité comme des sœurs. Ouais. Mais c'est aussi pour ça que ils risquent, au niveau tactique, ils risquent de ne pas être ajustés puis de ne pas être capables d'accomplir la mission qu'ils se sont donnée. Le problème avec l'autonomie est le climat du Québec. Oui, mais vous savez, on a quand même des ancêtres qui ont réussi à l'endurer, le climat du Québec. L'affaire, c'est que, bon, pour bien vivre dans le froid, ça prend certaines choses qui, maintenant, qu'on peut pas... bon, c'est ça, ça dépend toujours, là, si c'est vraiment des pénuries ou... mais il risque... il y a toujours moyen de moyenner, là. Mais une des choses qui me choque un peu, c'est, vous savez, quand j'ai eu ma maison, je chauffais au bois. Et c'est incroyable, les problèmes que j'ai eu par rapport à mon poêle à bois. C'est incroyable, les normes, puis la compagnie d'assurance aussi me faisait des problèmes. Puis finalement, c'était jamais correct. Ce que j'ai fait à un moment donné, eux autres, ils chialaient que ma cheminée n'était pas correcte. Donc, je l'ai placé d'une façon à ce qu'il puisse pas chialer, une façon qui n'avait pas de sens. Puis, quand ils sont partis, je l'ai remis comme il était. C'est pas eux qui vont. Puis, dans ce temps-là, je recyclais pas, je me chauffais avec le recyclage. Mais bon, entre autres, là, c'est vrai pour le climat, moi. On n'y est pas habitué comme nos ancêtres. Non, ça se récupère vite. Ça se récupère vite. Oh, Marie-Jeanne qui rit. Bon, voyons, la nécessité fait découvrir fait revenir des capacités. Schwab s'avance d'avoir infiltré nos élus à plus de 50%, parle de ses protégés avec affection, Macron, la femme en Nouvelle-Zélande, Trudeau. Ouais, ben 50%, c'est pas assez. C'est pas suffisant. Il peut arriver encore des imprévus. Puis, ben mon Dieu, c'est vraiment spécial. Je comprends. D'où ça sort, ça, Klaus Schwab, le Forum économique mondial, que au fond, il y a quelqu'un. Il manque des éléments là, pour avoir une image d'ensemble pour comprendre l'autorité que peut avoir ce bonhomme-là. Je rigole à cause de la cheminée. Ah. Dans une vidéo, M. Kim dit que les élites franc-maçonniques accélèrent volontairement les événements fin de cycle pour passer au suivant plus vite. Oui. Ils n'ont pas compris que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il est apparu au 18e pour au 19e siècle des sectes comme les franquistes, puis les disciples de Sabbatai-Lévy. Puis il y a eu des dérives par rapport de ces sectes-là. Comme quoi, qu'en faisant le plus de mal possible, ils accéléraient la venue de l'Antéchrist, et comme ça, ils accéléraient aussi la venue du Messiah, si vous voulez, le Christ, ou le second avènement là, pour les chrétiens. Ce qui est à mes yeux totalement délirant, parce que les cycles, s'il s'agit d'un phénomène cyclique naturel, c'est comme la course des astres. On ne peut pas accélérer ça par le comportement de quelque chose d'aussi insignifiant à cette échelle-là que l'être humain. La nécessité nous rend créatifs, eh oui. Plus c'est décomplexé, plus leur dictature a l'air légitime aux yeux des boomers, des jeunes bovins. Ouais. Mais vous savez, eux. En tout cas. C'est pas drôle. Vous savez, je sais pas, les boomers, là, est-ce qu'ils sont réellement plus endormis que les générations qui viennent après? Bon, c'est sûr, les années vieillies et ces choses-là, c'est pas bon pour le cerveau, mais ceux qui viennent après, c'est pas si tant mieux que ça, là. T'sais, les boomers, c'est vrai que eux, ils l'ont eu, la grosse artillerie d'abrutissement, là. Les messes à gogo, puis toute la patente, là. En tout cas, France nous a. Mais il reste que bon. Au fond, c'est ça qui a. Vous savez, il arrive quand même ce qui doit arriver. Je veux dire, est-ce qu'on aurait trouvé allumé des gens dans les gens dans les années 20-30? C'est quand même incroyable la Grande Dépression qu'il n'y ait pas eu une révolution là, au niveau de ma grand-mère, elle se souvient, les gens rentraient dans les maisons là, pour se chercher à manger. Ils venaient, les gens de la ville là, venaient voir les campagnes. France, nous commençons à nous organiser ici et local, ceux qui ont la chance de se nourrir dans les fermes en France avec une monnaie locale, les échanges de savoir, il y a plein d'idées. Oui, là où ça pourrait changer, c'est s'il y aurait réellement une guerre de terrain. Puis s'il n'y a pas une invasion à partir de l'Est. Il y a des habitations enterrées en partie, mais idéalement pas en terrain plat. Ah, je sais pas si j'ai envie de devenir troglodyte. C'est vrai que, bon, ça chauffe. Mais il y a possibilité, oui, il y a certains types de terre, même à cause de la fermentation dedans, qui dégage la chaleur, puis on peut quasiment chauffer un bâtiment avec. J'ai 60 ans à la queue des boomers, mais pas si endormi, c'est ce que je pense. Il y a beaucoup. Les gens que j'ai vus qui comprennent le plus ce que je dis, c'est des gens en moyenne entre 50 et 80 ans. Donc, puis d'ailleurs, c'est pas tant que ça des jeunes qui m'écoutent. Bon, je parle des jeunes de mon âge, là. Le bon là-dedans, c'est que plus de gens voient la vraie game qui se joue et se méfieront des assouplissements. Moi, parce que c'est comme à chaque fois que, justement, à un moment donné, la première fois qu'ils ont arrêté le couvre-fou, je sais qu'à un moment donné, je disais en entrevue avec David, j'ai dit non, non, là, c'est pas fini. Même au début, il parlait de 2 semaines pour aplatir la courbe. Je dis non, non, ça va durer des années. Mais bon, je tombe pas tout le temps à pile, mais il reste que, étant pessimiste, quand on est pessimiste, on est plus proche d'un réalisme que quand on est optimiste. Les optimistes sont souvent déçus, les pessimistes agréablement surpris. Donc, bon, j'ai toujours été plus pessimiste, puis pourtant, je me sens moins affecté là, par les événements que d'autres que je vois qui étaient dans l'optimisme. Bonsoir, cellule or. Bonheur, lumière. Je suis de la génération après et de peu. Je peux dire que je suis minoritaire à observer cette fausse pandémie. Je sais, mais ces techniques-là, ça fonctionne toujours avec de 60 à 75% des gens. Et bonjour, Sylvie. Sylve. Je vois toujours Sylvie. Les boomers ne sont plus confrontés aux réalités de la vie active. Là où les mesures ont meurtri le plus, avoir des enfants, une business, une jeunesse. Bon. Oh, chez les boomers, il y en a qui ont un petit peu fait la portée pas mal, là. Mais il reste que c'est pas mieux, la génération d'après. Je vois pas ça comme un phénomène. Bonjour, Christine. Le pessimisme m'aide beaucoup. Bon, voyez. Si on dépolarise, là, on finit par voir du positif dans le négatif, puis se rendre compte que finalement, ça s'annule. Bonjour Mathieu. Bonsoir Sylvie. J'espère qu'hier, j'ai pas trop été. J'ai repensé par après. En tout cas. Non, ben, les boomers, je les trouve pas si pires, moi. Regardez les gens qui étaient à Ottawa, justement. Ben, ils risquent quand même ça. J'embarquais pas tout à fait, mais ça va avoir servi. Le New Age, ils disent toujours l'amour, lumière, on est frères et sœurs. Il faut voir positif, mais comment voir positif dans le sombre? Ah, ben, on peut être positif dans le sombre, je veux dire. Le but, c'est d'être réaliste. D'être réaliste pour ensuite être pragmatique. Comme ça, on va pouvoir se créer de la clarté. Pas se contenter d'être. J'ai pas écouté hier ni les 2 dernières semaines. Ça passe pas dans mes oreilles. Ah, je sais pas. L'affaire, je n'ai pas fait tant que ça les derniers temps. Ben non, c'était qui hier. Ok. À quoi je pense? J'ai vu quelque chose, puis... Ouais, non, je me souviens plus. Mais il va falloir... C'est moi ce qui m'inquiète, vraiment, par rapport à ceux qui entretiennent des espoirs ou qui sont très polarisés, là, la pensée positive, ou... c'est les dépressions. Les gens qui vont entrer en dépression, les gens qui sont mis en danger au niveau des possibilités de suicide. Il se passe, il recommence à y avoir des drames familiaux, des choses comme ça. C'est certain que il faut être optimiste à long terme sans échéance et pessimiste à chaque fois que les naïfs montrent de l'espoir sans mépriser. Ne jamais sous-estimer à quel point la masse est manipulable. Ça, c'est vrai. Vous savez, il y a quelqu'un avec qui, souvent, en tout cas, même si c'était dans le milieu du supramental, puis c'est étrange, mais dans le milieu du supramental, il y a beaucoup de gens qui spéculent à la bourse. Puis lui, il me disait, il dit, je le sais qu'il va y avoir des mouvements dès qu'il y a de la crainte. Dès que la majorité avait de la crainte, lui, il se mettait à être optimiste. Il dit, ah, il va arriver quelque chose, il va avoir du... Puis c'est la même personne qui me disait, elle dit, quand je fais un cauchemar, c'est bon signe. Donc, il faut voir des choses comme elles sont, et ça, pas enjoliver, pas subjectiver. Le problème, c'est que pour des raisons de confort psychologique, on va être porté à subjectiver. Vous parliez de votre intervention d'hier, oui. Oui, je me disais, bon, j'espère que ça n'a pas été trop... Souvent, je suis enthousiaste à l'idée de voir les entrevues avec David et vous, ainsi que Mona. Vous en avez fait beaucoup de live, je peux en dire. Et deux entrevues, et je ne suis même pas en mesure d'écouter comment ça. Vous en avez fait beaucoup de live. Je veux dire, et deux entrevues, je ne suis même pas en mesure d'écouter. Ah, je ne sais pas pourquoi vous n'êtes pas en mesure d'écouter. Mais il y a Olivier Poulin. La dernière entrevue que David Lévesque a fait avec M. Poulin était vraiment excellente. Vraiment, là. Bizarrement, je ne ressens rien face à ce que nous vivons actuellement. Ça, il y en a qui diraient que vous êtes dans un... Ça serait vu par des psychologues, soit comme... une protection, un mécanisme de protection, mais moi, personnellement, étant donné l'expérience par rapport justement au supramental, je serais pas prêt à dire que c'est ça. Puis, même que, peut-être qu'intuitivement, vous vous rendez compte que ça sera peut-être, ou que vous avez les ressources pour, ça ne rentre pas. Oh. Ah bon. Nous l'acceptons pas. Que des gens nous voient et nous gèrent comme du bétail. Et c'est justement parce qu'on ne réalise pas à quel point on est des animaux qu'on leur donne raison. Ben, pour être géré comme du bétail, il faut être gérable comme du bétail. Puis là, faut pas tomber non plus dans l'idée qu'il y a soit des gestionnaires, soit des gérés, puis qu'il n'y a rien d'autre. Puis même il y a 7 ans, là, les premières vidéos que j'avais faites, je disais, des fois, on se plaint que ces gens-là nous traitent un peu comme ils traitent les populations, comme du bétail. Mais des fois, ils ont un peu raison au sens où les gens agissent. Si on regarde les mouvements de foule, ces choses-là, les gens agissent des fois comme du bétail. Donc, s'ils continuent, c'est que ça fonctionne. Donc, moi. Ouais. Je sais pas trop là pourquoi il y avait quelque chose qui me. Comme du bétail, c'est justement parce qu'on ne réalise pas à quel point on est des animaux. Peut-être collectivement, mais réaliser ça individuellement. On dirait que c'est une des stratégies depuis très longtemps, de certaines forces. D'essayer de se servir du fait que l'être humain est incarné dans un corps biologique pour essayer de le dénigrer par rapport à ses aspects animaux, puis comme pour essayer de lui faire croire qu'il n'est pas digne. Alors que l'être humain, c'est un être noble aussi. Les boomers ne réalisent pas la flagrante suprématie technocratique pour contrôler la masse et l'économie indépendante. Moi, ben, j'ai jamais compris l'enthousiasme de certaines personnes âgées pour la technologie. Vraiment, là, j'ai jamais compris ça. Mais ils réalisent pas là. Vous savez, il y a aussi le fait que des fois, les personnes plus âgées ont plus de difficultés avec la technologie. Quoique les boomers ne sont pas très âgés en ce moment, la génération d'avant est encore là. J'ai une grand-mère qui est encore vivante, ma grand-mère maternelle, elle a 96 ans. Puis elle réalise, se rend compte que ça n'a aucun sens. Dans l'endroit où elle est, là, ils ont recommencé à un moment donné, elle était avec une dame, puis la dame dans la salle commune a baissé son masque, puis pour la punir, ils ont décidé de la mettre 15 jours dans sa chambre. Ou comme les enfants là, dans les centres jeunesse qui ont été 10 jours enfermés là, dans des pièces sans fenêtre, il y a un problème, là. Il y a un problème, c'est inacceptable collectivement. Pourtant, collectivement, nous acceptons, semble-t-il, comme Margaret Blais, comment ça qu'elle n'a pas démissionné, elle. En tout cas, le plus fascinant, c'est qu'ils font le calcul que la marge de gens qui les voient serait quand même écrasée par la majorité. Donc, c'est en train de. Regardez au Canada, là, il y aurait 60, proche 69% des gens qui sont maintenant contre. Il s'agit que la majorité réalise qu'elle est majoritaire. Comme chez nous au travail, j'ai déjà dit, ça ne veut pas dire qu'ils travaillent dans le bureau, qu'ils sont plus intelligents que nous. Quand je propose amélioration dans le travail, ils sont choqués. Ben, si vous êtes en Europe, il y a quelque chose en Europe par rapport aux hiérarchies puis aux classes sociales qui est plus rigide qu'ici. Mais j'ai toujours des idées. Ils me demandent d'où je sors mes idées, mais il faut réfléchir et s'intéresser. Ben oui. Vous savez, là, les cols blancs, là, c'est pas souvent, là, c'est pas du monde très, très créatif. Au contraire, ils ont une pensée mécanique. On dirait que ça réjouit du monde de punir. Ah ben oui. Il y en a que c'est. Une activité de compensation qui sert d'exutoire pour leur frustration dans leur vie à eux. Même moi, je suis de cette génération et souvent je trouve que les systèmes de transaction sont écœurants, chiants. Trop d'informations pour les transactions et au final, ça marche même pas. Ouf. Ben franchement, là, dès qu'il arrive des côtés techniques là, par rapport à de la technologie, je deviens carrément. Le gouvernement, c'est pareil. Ben oui, mais regardez. Notre premier ministre, là, François Legault, là, voir ce bonhomme-là, puis le regarder parler, puis qu'on me dirait, je ne saurais pas que c'est un premier ministre, je penserais que c'est un gérant de coop agricole, là. Donc, PayPal, Skype. Ah oui, moi, je suis en. Skype, là, il me charge à tous les mois. Absolument pour rien. Puis ça fait longtemps que ça dure, là. Puis je leur écris, je leur dis arrêtez de. C'est quoi ça, ce paiement-là que vous prenez? Puis là, je vais être obligé de téléphoner à ma compagnie de crédit. Puis les faire barrer. Parce que. Du viol financier de votre vie privée. Ouais. Il y a une machine ici, là, par rapport à la télévision. Que c'était cette machine-là. En tout cas, ils voulaient nous la faire payer quand on l'a retournée. Puis finalement, ils disaient qu'elle était brisée. Puis quand je me suis informé, ils ne l'avaient même pas. Ils ne l'avaient même pas reçue encore. En tout cas, ils voulaient nous faire. C'est qu'ils profitent clairement en tout cas. Pessimisme ou optimiste, ce n'est qu'un choix de lunettes. Pour se protéger, filtrer le réel, le pessimiste est une protection au même titre que l'optimisme. Oui, mais est-ce qu'il y a réellement un choix? Si déjà c'est une protection contre le réel, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un libre arbitre réellement volontaire par rapport au réel lui-même? Ça devient un peu. Je crois qu'il y a beaucoup plus de. Oups. Bon, il y a beaucoup de gens aujourd'hui. Je crois que beaucoup plus de gens qu'on pense voient ce qui se passe. Puis il semble, mais c'est trop sinistre pour être toléré psychiquement. Psychologiquement, je dirais. Ensuite, peut-être psychiquement embarque. Mon père Bob Mears me renie depuis 6 mois. Il me prend pour un complotiste imbécile. L'impression que les classes moutons complotistes créées dans la pandémie va rester longtemps. C'est drôle, ça. Il y a eu beaucoup de divisions dans les familles, puis souvent il va y avoir une inversion accusatoire que les complotistes renient leur famille puis s'isolent, alors qu'au fond, c'est le phénomène contraire auquel nous assistons, là, comme Mario Dumont qui dit: Ah, si votre beau-frère ou votre frère croit des choses comme ça, là, arrêtez de lui parler. Puis, en tout cas, il y a eu des femmes qui nous sont mises à genoux devant la police et la manif au Canada. C'est se mettre en soumission et attirer les bourreaux. Moi, ben, vous savez, je pense pas que ça peut faire partie des événements qui vont faire en sorte qu'il va y avoir un mouvement naturel qui fait en sorte que ça va finir par se régler à long terme. Mais je pense pas que c'est conscient ce qui se passe. On assiste à des phénomènes sociaux au sens de des mouvements de foule inconscients. Donc, il y en a qui. Moi, ce qui m'a choqué, c'est de voir la dame de TVA, là, quand il y a une dame qui était piétinée par les chevaux, qui allait dire les gens se lancent dans les pattes des chevaux parce qu'ils veulent être des martyrs. Faut vraiment être une conne, là. Si j'avais Twitter, j'irais voir ce que les gens lui disent. Je l'ai pas. Moi, j'imagine toujours le pire pour ne pas être trop déçu et ça marche toujours. Ben oui, je pense aussi faire ça. Les gens dans le déni sont heureux d'avoir des peurs et craintes pour leur voiler la réalité, le climat, les virus, les antivax. Oui, mais ça a été conditionné, ça. Il y a un transfert de la menace. Pendant ce temps-là, ceux qui sont réellement les. Je pourrais retomber là, dans la géométrie sociale, puis les projections montrer la mécanique. Parce que oui, c'est vraiment des écrans, les rideaux, là. Quand je montrais des figures géométriques dans le temps, là, il y a proche 6 ans, là, le Pentagone, il y a une place que je disais, là, il y a des rideaux. Puis, en tout cas, justement, je voulais avoir une ligne pour téléphoner sur Skype aussitôt que tu t'abonnes. Il te charge chaque mois jusqu'à ce que tu cancelles, mais c'est difficile de trouver la fonction canceller. Ah. Ok, je comprenais pas. Je me disais, voyons. Mais moi, j'ai pas pris de numéro. Je veux dire, j'ai pas pris de ligne. Je m'en servais juste pour. Mais en tout cas, c'est quand qu'il y a eu un changement puis que ça a été racheté, je pense, par Microsoft, ils se sont même chargés. Puis tous les mois, je vois ça, là, ils se sont servis dans mon compte, là. Nous n'avons pas le choix, c'est déjà programmé. Moi, on verra. Parce qu'il y a d'autres choses qui est programmée, qui est au-delà de l'entendement humain. Puis il peut y arriver des imprévus. Trudeau ne se ressemble pas d'une photo à l'autre. En 2 semaines, comme s'il avait un jumeau, bref, il paraît que moi. Vous savez, l'important, c'est Margaret Trudeau. On s'en fout que c'est le fils de qui. En autant qu'on se rend compte que c'est un fils de pute. Des fois, je cherche un endroit où je pourrais déménager, mais je ne peux pas prendre l'avion. Puis pour aller où donc, je reste. Moi. Ah, vous avez enlevé ça, monsieur Touga. C'est intéressant. Avant la dernière nouvelle qui grandit comme quoi les piqûres rendent positif aux vies. Et moi, j'espère qu'ils finiront par se. Oui, mais le problème, c'est que il est trop tard dans le sens que quand bien même on se réveille, une fois que c'est fait. C'est comme moi, si je décide que j'ai un stratagème pour vous voler votre voiture, une fois qu'elle n'est plus là, votre voiture, quand bien même vous vous en rendez compte. C'est ça, c'est un peu comme ça, c'est une question de timing. C'est ça qui fait que ça réussit ou pas, les stratagèmes, donc. On a tenté des rapprochements avec des Covid anxieux, pro-mesure, beaux-parents, sœurs, même si on évite le sujet, les vibrations sont incompatibles, ça glitch en table, on préfère le téléphone. Ah, c'est drôle, moi j'en ai de la famille qui sont super, puis je pas. Ils admettront pas que finalement, commencent à se rendre compte que j'avais pas tort de pas m'énerver avec tout ça parce que je le vois par leur comportement. Ils ont abandonné les gestes barrières, ça a été pas trop long, puis... mais ils admettront pas pour des raisons d'orgueil, là, puis c'est correct. C'est pas moi qui vais leur mettre le nez dedans, là. Trudeau est la marionnette idéale, juste assez vide pour ne pas avoir de dilemme de conscience, pas comme Arruda ou même la Freeland. Ouais. Ben, Arruda, je pense que son système nerveux a fini par... il était plus capable. Ils l'ont envoyé en vacances, là, si on peut dire. Ils l'ont envoyé se reposer, là. Mais l'autre, le Boileau, là... Oh, je sais pas, il y a le sourire comme... le chat du Cheshire, là. Les vieilles gravures dans le temps, là, les premières gravures d'Alice au pays. Il y a une drôle de face, hein, il est spécial. Mais on voit que, je pense, c'est drôle, ils en ont trouvé un qui a l'air encore plus. Je ne veux pas être insultant, là, mais il me semble que c'est encore. En tout cas, j'essaie de protéger ta chaîne, je ne sais pas si ça change quoi que ce soit. Ah. Bon, on verra. Vous savez ce qui se passe avec la chaîne, comme par exemple hier, là, puis c'est quelque chose qui est en train de me mettre en mouvement pour justement peut-être aller un peu plus loin, dans le sens de j'ai bien envie finalement, je vais finir possiblement par enregistrer une maison, une production multimédia, juste pour protéger certains droits, entre autres. Puis ça continue aussi à créer des structures pour opérer un tri. Mais les gens ne meurent pas trop vite, donc ils seront encore plus en colère que nous face à l'ennemi, peut-être. Moi, j'ai l'impression que... Ah, vous pensez qu'ils seront en cure? Je ne sais pas, il y en a que ça leur crée des chocs. Puis au lieu d'être en colère et se retourner contre leur bourreau, ils s'effondrent sur eux-mêmes. Ils deviennent, c'est comme les phases du deuil. Là, en ce moment, ils sont dans le déni, puis à la fin, ils vont accepter n'importe quoi. C'est inquiétant, là, à ce niveau-là. J'ai de la misère un peu, là. J'avoue que j'ai cru voir ça chez des personnes, là. Puis là, ils sont rendus, ils n'ont pas le choix d'admettre que finalement, c'est pas ce qu'ils pensaient, parce que ça se tient pas tout simplement. C'est invraisemblable, c'est irrationnel, ça se tient pas le scénario. Mais finalement, oh, ben, qu'est-ce que tu veux? Sont passés du déni à l'acceptation, ce qui est pire encore. Un ami a fait une grave thrombose au poumon juste après le pic et ma soeur dit heureusement qu'il s'est fait. J'ai eu du mal à me contenir, j'ai placé un mot, je me suis ravalé. Mon repas, vous voyez, il y a de la distorsion cognitive, là, comme pour... il y a une inversion de la réalité pour maintenir le récit acceptable psychologiquement. C'est vrai que c'est de la rationalisation à deux sous, là. C'est sûr que c'est inquiétant de voir ça. Je pense à ça hier par rapport à la chaîne, souvent. Vous pouvez aller plus loin, mais vous censurez. Ouais. Bon, allez, j'essaie de faire quand même attention. Ah ben merci Christine. Et je repense à ça là. C'est incroyable parce que vous avez quelque chose qui va vous nuire. Puis les gens vont être dans le déni, puis rationaliser au point de se dire ben ça serait pire sinon. Et ça, c'est des mécaniques psychologiques qui avaient été prévues, là, qui sont utilisées, puis en tout cas, la conscience n'a pas de limite. Oui, la conscience, on a des possibilités d'avoir une conscience sans limite, mais je dirais que la limite, c'est la crainte, la peur. Souvent, on a peur de ce qu'on... Je connais quatre personnes et les quatre, elles ont des problèmes. Ben oui. Ben moi, ça date jusqu'à maintenant. Ce que je vois, c'est des troubles, des maux de... des crampes abdominales, des maux de tête, des troubles de la pression. Ce qui m'a le plus fasciné de mes beaux-parents, qui sont très aimants, c'est leur total manque d'empathie envers les enfants. Mon beau-père ne voit pas de problème que les masques soient une norme sociale. Moi, ben, ça veut dire qu'ils ne se rendent pas compte. L'empathie, pour avoir de l'empathie, il faut avoir la capacité de se mettre à la place. Puis même là, il y a des enfants qui, vu qu'ils sont dans le récit et ils ont peur, ça les rassure de faire ça. Donc, l'empathie va être envers un enfant qui est lui-même manipulé par quelqu'un de manipulé qui se met à la place d'un enfant manipulé puis que ça le rassurait de se mettre ça. Donc, il n'y a pas le pas de recul là, pour se rendre compte de l'autre sujet qui met à taraude. Si on remplace Jésus par vérité tout au long de la Bible, il y a de quoi être surpris du résultat. Moi, ben, c'est un jeu. On pourrait être surpris même avec d'autres mots, là, d'autres textes aussi. Possiblement, j'ai jamais fait l'exercice. Avec toute la merde du COVID, ça crée de la peur, de la paranoïa collective. Oui, ben ça fonctionne comme ça. Ça a tout le temps fonctionné comme ça. À un moment donné, c'était la peur de l'ennemi invisible, comme dans les années 50, là, le communiste infiltrateur. Finalement, après, ça a été le terrorisme. Là, ils ont trouvé, mieux encore, c'est un ennemi invisible. Informe microscopique. Donc, peur d'avoir peur, c'est le refoulement total. Pas y a un bloc, c'est un blocage total, en tout cas. Isabelle, bonsoir. Mathieu, l'antéchrist peut-il prendre une forme humaine? Ben, techniquement, ça fait partie du principe antéchristique. Une forme virale, une forme pensée comme le dogme sanitaire. Moi, ça me dit, classe-moi. Je ne pourrais pas dire. Il y a l'Antéchrist, un être qui vient avant le second avènement, si on peut dire. Puis il y a des antichrists. Puis il y a le principe antéchristique qui est incarné. Parce que si ce n'est pas incarné, là, on peut dire entre guillemets, techniquement, on pourrait appeler ça le ma. Mais c'est pour ça qu'on est arrivé à des formes, comme des formes, des forces anti-vie, des forces anti-hommes. En tout cas, mais qu'est-ce que j'en dis? Au fond, il s'agit de principes qui, justement, prennent différentes formes. Donc, on pourrait parler plus des forces. Retardateur, entre autres. Mais aussi, il semblerait que de toute façon, même là, prenez le principe d'antéchrist. Pourquoi est-ce qu'il y a des sectes de fous qui ont voulu accélérer de répandre le mal sur Terre? Parce que l'avènement de l'antéchrist, c'est aussi l'avènement de ce qui vient après. C'est incroyable. Il faut vraiment être. En tout cas, je veux dire, c'est là qu'on se perd dans des choses que. J'avais plusieurs voisins enseignantes qui vantaient à quel point les enfants sont résilients. Ben oui, que ce sont les adultes qui capotent pour rien, courroie de transmission de l'abus, ce qui m'écœure, ben là, je comprends, je vous comprends. Parce que oui, il y a une résilience chez les enfants sont extrêmement résilients, puis c'est des mécanismes de survie. Ils peuvent endurer de se faire battre, d'avoir des parents abusifs, violents, alcooliques pendant longtemps. Ça ne veut pas dire que ça n'aura pas d'effet. C'est pas parce que les enfants sont résilients qu'ils ne souffrent pas, que ça n'aura pas d'effet à long terme, qu'ils ne seront pas maganés au niveau de leur développement, dans le sens qu'ils vont devenir tous des adultes tout croche, des adultes incompétents, donc de bons esclaves qui veulent se faire quoi dire, qui veulent se faire dire quoi faire. 13 février 2018, BDN, il a fait une vidéo retour de l'Antéchrist. En 2018, il était décédé, BDN. Il est décédé en 2003. Possiblement que c'est Distribution BDM qui a mis. Mais ça date d'avant ça. Les choses qu'il a dit sur l'Antéchrist datent des années 80. Quand il dit ce personnage, ça date des années 80. Ben oui, Bernard de Montréal est décédé au début des années 2000. Donc, je parle de L'athée-Christ, l'athée-Christ, qui paraît aux yeux de tout savoir de bonnes intentions, mais au final, c'est la mode. Ben, c'est toi, c'est là le principe. Prenez les sectes les plus dangereuses, c'était tout le temps un message d'amour, c'était tout le temps. Au Québec, là, les pires sectes qu'on a eues. Prenez les pires sectes dans le monde, là, comme prenez, ils vont tout le temps passer par la porte des religions officielles, puis même ils vont être mis sur un piédestal des fois par des personnages adulés. Prenez Shoko Asahara, Aum Shunrikyo au Japon, qui a fait des attentats dans le métro de Tokyo. Eh bien, le Dalai Lama lui-même avait reçu le gourou et le montrait comme un grand sage. Prenez la secte de Lac-Etchemin au Québec, Marie-Paul Giguère, qui est une espèce de psychopathe qui se faisait passer pour une mystique, et puis elle était approuvée au début par l'Église catholique, qui la montrait sa communauté comme un exemple, qui en tout cas qui l'a aidée. Donc, puis pourtant, c'est deux mouvements extrêmement dangereux, extrêmement dangereux. La secte de Lac-Etchemin existe encore. Comment ils s'appellent les autres? Le centre Spiri Maria, c'est autour d'un culte marial. Ben, ça a été approuvé par l'Église, puis c'est l'Église qui leur a donné le crédit pour se construire, même s'ils ont fini par être excommuniés. Prenez les apôtres de l'amour infini. Eux autres, c'est dans les premières sectes que la DPJ est obligée de. Parce que ça n'a aucun sens, c'est n'importe quoi. Et puis, vous avez, là, après ça, comment que ça, la mission de l'Esprit Saint, puis toutes ces choses-là. C'est des messages d'amour qu'ils ont. Je n'ai jamais vu ça, moi. Un principe antéchristique ne va pas arriver, puis se dire, moi, je suis maléfique, puis je suis dangereux. Puis... C'est pour ça que Bernard de Montréal, jusqu'à un certain point, lui, il est intéressant quelque part, parce que tout en dit au monde, croyez-moi pas, vous ne le savez pas, je suis peut-être satanique, je suis peut-être maléfique. On voit jamais ça. J'ai jamais vu ça avant. Je veux dire, OK, c'est pas la secte que je pensais quand j'étais plus jeune. Une fois que j'ai vu ça, qu'ils disaient ça, puis jusqu'à un certain point, ils repoussaient des gens dans le sens qu'ils voulaient avoir la paix. Mais c'est ça, l'affaire, là. L'antéchrist qui pourrait, aux yeux de tous, avoir des bonnes intentions, ça va toujours être comme ça. Prenez Hitler. Hitler, lui, c'est un sauveur. Il se présentait comme un sauveur, comme quelqu'un qui était inspiré par des forces évolutives, alors que c'est toujours. C'est certain que le mal, c'est polarisé, donc ça va toujours se faire passer pour le bien. C'est certain. Sinon, comment est-ce qu'il pourrait gruger du terrain? Un enfer va encaisser. Très longtemps, surtout si ça vient d'une figure d'autorité ou d'attachement, que des gens voient ça comme une belle résilience. C'est odieux. En effet, c'est odieux. L'enfant, pour des raisons de survie puis de développement, va toujours chercher l'approbation. Puis ça va faire en sorte qu'il va avoir il va se créer chez lui un ego qui a besoin d'être valorisé. Parce que ça fait partie des fonctions qui font que, justement, les enfants vont. C'est pour la survie, si vous voulez. Comme prenez là, un groupe de gazelles, les petits qui vont toujours se coller après des adultes. Pourquoi? Parce que les prédateurs vont justement chercher à tourner autour des groupes pour essayer d'attraper les petits. Il y a le même phénomène de survie, si on peut dire, chez l'être humain, c'est-à-dire que l'enfant va tout le temps vouloir être aimé des adultes pour se protéger, pour être protégé. C'est là que c'est extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux. Dans les groupes d'animaux, par exemple, les petits font s'arranger pour être vus des adultes. Pourquoi? Pour être protégé s'il y a quelque chose, s'il y a un danger. L'enfant humain, lui, il va être vu, il va être reconnu, il va être aimé, puis ça crée un paquet de problèmes plus tard si le développement ne se fait pas comme il faut, parce que les adultes, justement, ont aucun discernement. De voir là une belle résilience, oui, c'est dangereux. Parce que tous ces désajustements-là au niveau du développement fait que ça va faire des adultes qui vont rester des enfants, au fond, qui cherchent à vouloir être vus, se valoriser, être aimés pour se sécuriser. Puis c'est extrêmement dangereux un adulte qui est insécure. Puis ça prend des adultes insécures pour. C'est parce que les adultes eux-mêmes croient le narratif et ont peur et cherchent à se sécuriser qu'ils voient une belle résilience. Puis oui, c'est odieux. Pas mal même. Donc, Tenchi, que penses-tu avoir eu à intégrer avec la cigarette, l'addiction, que soit empêche-t-elle le contact avec l'esprit? Non. J'ai vu des gens même qui avaient des addictions pires que ceux qui avaient un contact très fort avec l'esprit. Même que c'est tellement fort des fois, puis déplaisant des fois, qu'on va baisser en vibration avec de l'alcool ou d'autres choses pour justement, ou la cigarette, pour justement être plus confortable. Parce que l'ego puis les structures nerveuses sont pas faites pour un contact trop fort. Tout de suite, ou avec les cigarettes, j'ai qu'est-ce que j'ai intégré? Je vais être bien franc, je le sais pas. Je sais juste que ça, c'est comme si. Non, puis je vois même pas ça comme si c'était même pas un problème. Ça faisait partie de ma programmation que je fume. Un bout de temps. Puis qu'à un moment donné, je cesse. Je vois même pas ça sous cet angle-là. Puis j'ai fumé longtemps, de l'âge de 13 ans jusqu'à. J'ai fumé longtemps. Donc, l'enfant prend tout pour être aimé, et voilà. Puis c'est ça qui le rend vulnérable. C'est parce qu'il est vulnérable qu'il va être aimé. Parce qu'il va être aimé, il est vulnérable. C'est pareil pour des adultes qui se sont pas. Un adulte qui est insécure, qui n'est pas dans son identité, qui n'est pas dans son intelligence, il va même encourager des comportements dangereux chez les enfants. Il sera pas non plus. Puis inconsciemment, l'enfant va savoir qu'il n'est pas en sécurité parce qu'il est entouré d'adultes immatures. Puis pour se sécuriser, il va tomber dans la subjectivité de mettre sur un piédestal les adultes qui l'entourent. Puis ça crée là des cercles vicieux épouvantables. Ça ne peut pas faire autrement que d'amplifier puis les phénomènes de subjectivité, de pollution par l'environnement. C'est odieux, mais pas au sens de. Les adultes, au fond, sont des enfants encore, à ce niveau-là. C'est là où on se rend compte qu'un adulte, c'est comme un enfant, mais avec de l'expérience. Il s'est pollué au niveau d'une subjectivité pour se protéger, mais il y a encore les mêmes failles qui lui ont été transmises par son entourage inadéquat et incompétent. C'est un peu une loi karmique, ça. C'est pour ça qu'il y a certains troubles qui se lèguent, c'est familial, semble-t-il. En tout cas, il y a beaucoup d'influenceurs qui abusent de ce qu'ils ont lu pour faire la morale au nom de l'amour. Je ressens beaucoup de galvaudage. Ils pigent au hasard un peu de tout. Je trouve que. Oh, je vois pas le. Ça a beaucoup de négatifs. BDM, sachez, je vous commande. Le DM, c'est quelqu'un qui doit tenir la chaîne parce qu'il est décédé, Marie-Jeanne. Il y a beaucoup d'influenceurs qui abusent de ce qu'ils ont lu. Ben, j'ai vu une mode de développement personnel. Le développement personnel. Le problème, c'est que c'est pas une étude de la mécanique du psychologique. Puis, on tombe dans des espèces de modes, des courants de mode. Puis ça revient à ce qu'on parlait là, c'est comme le même principe que des adultes incompétents qui polluent leurs enfants. Puis ça recrée des puits, ça se répand comme ça. C'est quoi des influenceurs? On devrait être éduqué à être objectif, puis à se couper si possible de toute influence, pas être objectif envers toutes les influences. Juste le terme influenceur, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de sens. C'est quoi des influences? Des influences, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, puis qu'il y a une compensation. Les influences, ça suit les lois de la passivité de l'âme. Pas de la misère avec ça. La réactivité de l'ego. On devrait être éduqué à être le moins influençable possible, puis avoir une vue objective de l'instruction, entre guillemets. Donc, salut, content de te voir en live. J'ai écouté la live hier à moitié. As-tu trouvé la manière d'avoir la paix des trolls? J'ai dû les fâcher pas mal pour aujourd'hui. Ben, ça donne comme ça. Non, ben, je vais m'arranger pour qu'il y ait un certain. Au pire, admettons qu'il en arriverait, là. Là, je dirais, bon, est-ce qu'il y a des volontaires pour la modération? Puis je choisirais quelqu'un qui se porte. Ben, dans les années 50 et 60, il y a eu la guerre froide entre la Russie, oui. Il y en a même phénomène qui se passe en ce moment. Des petits pays et des problèmes comme l'Ukraine, vous savez. J'ai jamais cru à la rivalité Est-Ouest. Je pense que c'est une polarité qui a été créée pour manipuler les masses de part et d'autre. Et j'ai toujours pensé que à l'Ouest et à l'Est, secrètement, ils étaient main dans la main pour manipuler la grande masse. Et je pense que c'est encore odieux au diable, la haine, oui. Ben, odieux, ça veut dire qu'il suscite la haine. Fait que oui, cellule A, c'est vraiment. BDM disait que l'Antéchrist possédera les dons de voyance, de la prévision, de la prémonition. Oui, il dit ce personnage. Quand il en parle, je me souviens, ce personnage. Ben oui, c'est certain. Un peu comme on a vu ces capacités extrasensorielles-là chez des petits personnages comme Napoléon, qui avait une certaine sensibilité, une certaine intuition, ou même chez Hitler, qui était à l'estafette de son régiment, qui échappait à la mort, je ne sais pas combien de fois. C'est pour ça que à un moment donné, je me méfiais un petit peu de Trump. Je me disais, ça se peut pas, il échappait à combien de. Sans qu'on le sache, là, il échappait à combien de tentatives de meurtre. Techniquement, l'Antéchrist ayant une programmation grandiose, c'est-à-dire plus grande que la majorité, il n'y a pas le choix d'avoir certaines forces qui vont l'appuyer. C'est juste un petit peu moins fort de ce qui va venir après, si vous voulez, le principe christique. L'antéchristique, c'est un principe juste plus subjectif, mais un peu moins fort que ce qui vient après, on peut dire. Mais c'est des programmations grandioses dans le sens de plus grand que la majorité, dans le sens que, ben, vous voyez là, ce que je veux dire. Comme quelqu'un qui a des idées de grandeur, c'est quelqu'un qui pense avoir une programmation grandiose, là, inconsciemment, au fond. Donc, j'ai fait une faute, je voulais pas écrire ça plutôt. Oh, ok. Ah, oh, j'ai pas vu de. Il me semble que ça n'a pas changé le sens. C'est une conférence de BDM avec Daniel Ménard, numéro 23, le retour de l'Antéchrist. Console, le retour. Ah, ben, faudrait que je. Vous savez, je regarde pas tant que ça, le. Mais il n'a pas parlé. Mais il y a dans le niveau de communication, les enregistrements où Bernard il parle seul. Il y a un enregistre, c'est un des enregistrements de communication, je pense que c'est de 1980 jusqu'à je ne sais plus trop quand. Puis il y en a un qui s'appelle l'Antéchrist. Puis c'est quand même assez intéressant. Quel genre d'adulte ça va faire? Très bonne question. J'imagine plus docile, plus uniforme dans leur pensée. Il y aura des exceptions qui développent. Oui, c'est exactement ce que je pense, qui développeront de l'individualité. C'est-à-dire que. Il y en a qui vont venir à bout de transmuter leur souffrance expérimentale pour aller au-delà de. À force d'être en survie, ça crée des surhommes, possiblement, des fois. Fait que ça va créer des êtres, des fois, qui sont capables plus d'en prendre, puis même de voir plus loin. Là où les structures de subjectivité qui protègent l'ego éclatent, puis ne peuvent plus protéger l'ego, l'ego n'aura pas le choix d'intégrer du réel, puis voir. Puis s'il est capable de le toffer psychologiquement, la personne, au lieu de se suicider, va devenir un être qui survit, qui est encore plus fort. Le Dalai Lama, c'est odieux. Les moines bouddhistes sont pris par les forces sataniques. Tout est inversé. Ben, à mes yeux, vous savez, la plupart des grandes religions sont. J'ai jamais osé. Ben, je l'ai dit quand j'avais, il y a peut-être 6 ans, là, quand j'avais mon autre chaîne. Je l'avais dit, mais moi, à mes yeux, c'est certain que les grands mouvements religieux sur Terre sont involutifs. C'est certain. Puis bon, vous savez, les bouddhistes, bon. J'ai pas à me mettre dans une position là, que je n'ose pas parler. Les moines bouddhistes, vous savez, moi, de qui y a des moines, là. Moine, ça vient de monos, ça veut dire seul, puis vivre en gang, là. Puis bon. En tout cas, je vais dire que je suis pas mal d'accord. C'est comme ça. Tout comme la Church militante au Michigan, le Vatican, la financerie. Bon, vous voyez. Hey Camille, j'ai pas eu le temps de vous lire. Camille, peut-on faire un parallèle entre le corps éthérique et la suggestion mentale? Moi, j'en vois pas. La suggestion mentale, c'est une forme de magnétisation. Puis le corps éthérique est. C'est quelque chose qui peut être mis en fréquence, en vibration, puis tout, mais ça se magnétise pas comme. Donc, mais par suggestion mentale, vous pouvez activer des phénomènes, mais pas au même sens que quelqu'un, un magnétiseur qui viendrait à bout de plonger quelqu'un dans un sommeil magnétique, mais ce qu'on pourrait appeler l'inverse, comme si l'état normal était un état second, au fond, puis qu'il y avait moyen d'inverser ça. Mais là, c'est plus de la suggestion mentale. C'est pas de la suggestion, c'est du mental. Je sais pas si vous. Je comprends pourquoi je suis tombé en patin à glace sur le lac Etchemin en décembre. En arrivant dans cette ville, ça m'a dit, tu vas te briser. Ben, pourtant, vous n'êtes pas allé au centre. C'est impressionnant hein, ce qu'ils ont fait, ce qu'elle a fait bâtir, Madame Marie-Paule Giguère. Cette femme-là qui est vue par ses disciples, elle est décédée maintenant comme une grande. Savez-vous qu'elle a abandonné ses enfants? Elle a abandonné sa famille. C'est une personne assez spéciale. Assez spéciale. C'est gros ce qu'ils ont bâti. Et là, là, je vous dis, il y a des choses. On essaie de faire des choses bien, puis ça tombe. Puis il y a du monde, ils font des affaires qui n'ont pas d'allure, puis ça reste. Ça devient solide, ça devient solide, ça devient comme des institutions. Mais eux, en tout cas, je m'en fous d'eux autres, là. Ils ont le trois quarts de leur argent viennent des personnes âgées qui ont volé le testament, qui ont volé l'argent en les manipulant pour le testament. C'est de là que ça vient l'argent qui a bâti le centre. Ils font signer des petits vieux, là, puis les petits vieux se ramassent pris là, puis ils finissent leur jour là, puis tout l'argent va. À la communauté. Puis ils se nomment évêque par chevêque entre eux autres, là, puis une vraie gang de capotés. Là. Ben franchement, là, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Puis il n'y a pas un média qui en parle. C'est toutes des choses que j'étais un petit peu au courant de la plupart des. Beaucoup de groupuscules au Québec, là, qu'il y a une complicité avec l'État, ça se peut pas. Là. Il y a de quoi qui marche pas, là. C'est pas normal. Il n'y a aucun média qui parle d'eux autres. Ben, de la misère avec ça. Ils ont même ils font leur messe, puis c'est en direct sur Internet. Puis c'est assez spécial, là. Je dis pas que c'est tout du mauvais monde qu'il y a là-dedans, au contraire. Mais moi, quand la bonne femme Giguère est morte, là, après ça, on voyait des images, là, les petits enfants, là, en uniforme, étaient habillés comme une reine, là, en robe de lin avec des bordures d'or, là, puis les petits enfants à genoux en avant du cadavre, là, en prière. C'était vraiment morbide. C'était vraiment morbide, c'est malsain. Je trouve ça. Ben justement, dans les premiers mois que j'écoutais BDM, je doutais à savoir si cela n'était pas le mal incarné en personne qui voulait perdre les armes et les voler à Dieu. Finalement, j'ai brûlé. Ben, quand j'étais enfant, moi, je considérais que je l'aimais pas pantoute. Puis finalement, je me suis rendu compte que il était pas positionnable là-dedans. Que ça n'avait pas rapport. Au fond, que dans le nord de Montréal, c'était pas de la spiritualité, justement. C'était autre chose. Puis finalement, ça a changé mon regard même sur la spiritualité. Puis par après, je souffrais ben moins psychologiquement que j'avais souffert dans ma spiritualité avant. Donc, j'ai brûlé beaucoup de spiritualité. Moi, on finit qu'on se rend compte à quel point on dormait, puis à quel point c'est de la fascination. À quel point c'est de la magnétisation de. En tout cas, si j'avais pas fini par lire Bernard de Montréal, je serais jamais. Il y a beaucoup de choses que j'aurais jamais faites, que j'aurais jamais eu le courage, que je serais beaucoup moins entrepreneur. Aujourd'hui, j'aurais beaucoup moins de courage. J'étais quelqu'un de timide, puis de. J'ai tout le temps été un peu effronté, mais. Je m'enfoulais facilement, puis j'étais pris dans du psychologique qui était subjectif, mais genre au sens de des mécaniques. Je perdais de l'énergie. Finalement, il m'a trop aidé pour. Ça m'a trop aidé, ça m'a trop fait voir de l'illusion pour que je considère que c'est le mal. En tout cas, c'est sûr. Je n'irai pas jusqu'à dire c'est le bien, puis je vois plus ça de même, là, mais. En tout cas. Bonjour Isabelle. Cellule or, je vois le bien qui se bat envers le mal. Je le vois de plus en plus clairement et continuellement. Je vois les énergies. Moi, ouais, ben c'est du mouvement. Mais regardez ce qui s'est passé à Ottawa, les gens, que ça va être une grosse déception pour beaucoup de monde. Puis finalement, ça va servir quand même. Le mal puis le bien, ça se positionne selon un temps puis un contexte. Mais il reste qu'au bout du compte, ça va servir le bien, tout ce mal-là, quelque part. Puis, d'une certaine façon, après, on peut dépolariser la vision de ça, se rendre compte que c'est un dynamisme. Puis, ça bouge. Puis, il y a du monde qui vont se construire expérimentalement, quand même, là-dedans, qui vont brûler de la naïveté. Puis... Oui, mais qui vous dit que le supramental n'est pas du poison vif pour l'esprit, tout comme certaines sectes? Ben oui, mais c'est pas sectaire dans le sens que ça n'a pas rapport, là. Prenez l'esprit, premièrement, l'esprit. Qu'est-ce que vous voulez dire par l'esprit? Vous parlez l'ego? Parce que le principe de l'esprit, puis l'esprit, c'est pas pareil. Puis le supramental, oui, ça peut être du poison, parce qu'il y en a, oui, qui le récupèrent, comme il y en a des sectes qui vont récupérer les évangiles, puis venir à bout de faire du mal avec. Donc, il faut regarder le contexte, là. De quoi il est question? Parlez-vous le supramental en tant que phénomène social ou parlez-vous du principe? Parce que là, le principe, lui, il faut l'avoir vécu, savoir de quoi il est question. Parce que le supramental, c'est des phénomènes. Et les phénomènes, là, des phénomènes naturels comme la pluie, là, on ne peut pas dire c'est du poison, c'est pas du poison, ça dépend toujours, là, de qu'est-ce qu'il y a dans la suspension dans l'air. Donc, quand vous me dites oui, mais qu'est-ce qui vous dit que le supramental n'est pas du poison vif pour l'esprit? Il faudrait être plus clair. Oui, il y a des sectes, de la même façon qu'il y a des millions de personnes qui se sont fait tuer au nom du Christ, puis qu'il y a des églises qui ont brûlé des gens à la Renaissance. Ça peut être n'importe quoi. Les principes, certains principes, certaines forces vont se servir des formes. Donc, le supramental, en tant que forme, ça peut être du poison. Ça dépend tout le temps de l'intention, ça dépend du contexte, ça dépend de l'objectivité, ça dépend de quoi on parle. Comme là, c'est comme pas assez. C'est comme, j'ai l'impression que de quoi il est question, c'est un peu subjectif comme question, c'est pas assez clair. Est-ce que c'est pas du poison vif pour l'esprit? Oui et non. C'est contextuel, c'est du cas par cas. Est-ce que parce qu'il y a des sectes comme Jim Jones, qu'il y a eu un suicide collectif, on va dire que le christianisme, c'est du poison? On ne peut pas faire ça, on ne peut pas dire ça, ce n'est pas objectif. C'est la même chose, là. De toute façon, le supramental, ce n'est pas une doctrine. Ça dépend de quoi on parle. Il y en a qui en ont fait des doctrines, mais comme il y a une méchante différence entre, par exemple, une doctrine d'une église puis le Christ ou le principe qui s'exprime à travers le Christ, ou est-ce que vous voyez là? Donc, ça dépend toujours de quoi on parle. Beaucoup de leaders spirituels me donnent une grosse vide de. Bon, je l'ai perdu. Me donnent une grosse vide. Une grosse vide de pédo. Ah, une vibe. Je vous ai écrit vide de pédo, sans nommer de nom. Beaucoup de leaders politiques aussi. Ben, prenez une des choses que le monde ne parle pas par rapport au Québec, par exemple. C'est la congrégation du Saint-Sacrement. C'était quoi ça? C'était une gang de personnes qui, en France, qui étaient une espèce de. C'était ce qu'on appelait des dévots. Puis il y en a beaucoup qui, semble-t-il, qui sont venus au Québec. Puis quand on regarde l'histoire, on peut se poser beaucoup de questions par rapport à ces gens-là qui ont fondé beaucoup des hôpitaux, les premiers hôpitaux. Puis il y avait des religieuses, oui, mais il y avait aussi les dévots autour de tout ça. Puis. Après, ça a comme devenu un peu les services sociaux. Puis, comme vous parlez, la politique. Puis, suis pas mal d'accord avec vous. Mais pas au sens de dire c'est spécifiquement tout le temps de même. De pas, mais il reste que. Prenez juste, on parlait des moines bouddhistes, là, tantôt. Sais pas. Tu sais, des moines, ils sont à l'année enfermés ensemble. Puis en plus, là, comme des pagodes là, en Asie du Sud-Est, il y en a, ils rentrent moines pas mal jeunes. Donc, il y a aussi des choses qu'on me rapporte, même des religieuses. Là. Comme une dame qu'à un moment donné, qui me parlait qu'elle, elle était orpheline. Puis dans le temps, elle a été chez les religieuses, puis elle buvait le plus d'eau possible avant de se coucher pour être certaine d'uriner dans son lit. Parce que la nuit, il y a des sœurs que. Vous savez, là, tout ce qui est collectif, puis qui drainent l'individualité, on dirait qu'il y a un lien avec des forces de domination. Des forces de domination, puis de soumission. Ça revient au même, c'est la polarité de. L'espèce d'aspect animal lié au vampirisme, entre autres. Puis la politique, bon, c'est lié à du pouvoir, puis le spirituel, c'est lié à de l'influence. On parlait tout à l'heure des affaires d'influenceurs, fait que c'est sûr que. En tout cas, moi, dès que c'est l'affaire, là, comme un leader spirituel, c'est quoi ça? Est-ce qu'on peut leader les esprits, les âmes? Ce qui est évolutionnaire, ce qui est évolutif, c'est que les gens aient les outils d'eux-mêmes, de voir par eux-mêmes, d'évoluer par eux-mêmes. Comme on va l'idée quoi, là? C'est comme un guide spirituel. C'est comme. J'aimerais mieux avoir une vue, avoir la vue, qu'une canne pour les aveugles, puis être aveugle, puis me faire guider par un chien guide ou quelqu'un qui guide un aveugle. Fait que drette là, il y a de quoi qui marche pas, là. Il y a de quoi qui marche pas. Dès que c'est lié à toutes les notions de guider, de contrôle, de pouvoir, donc, tout ce qui est les hôpitaux, dans le sens, au début que c'était l'Église, puis après l'éducation, les services sociaux, puis. Puis comme on parlait tantôt, dès que c'est toujours bien intentionné, puis le mal va se justifier en se présentant comme le bien, puis après ça, on dit l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ben, c'est ça. Fait que, au fond, là, les leaders spirituels, il y a beaucoup de choses, moi, que je me pose comme question, comme juste au niveau de l'intention. L'intention. Comme par exemple, quelqu'un qui a eu son baptême sikh, il fait le vœu de consacrer une partie de sa vie, là, je parle de ceux qui ont tous les attributs, à la libération du Punjab. OK, mais quelqu'un qui aurait fait le vœu de se consacrer, entre autres, à la libération du Punjab, pourquoi il ferait partie d'un parti politique dans un autre pays? J'ai jamais compris. Vraiment, là, je comprends pas. Puis après ça, on se rend compte que la religion, ça va être lié à des guerres, ça va être lié au terrorisme. C'est une forme de politique, mais encore plus loin dans l'occulte de l'âme, les mécaniques de l'âme. Donc, les adultes immatures, pour se sécuriser, vont beaucoup aimer porter l'uniforme médecin, police, dark suite de politico, ça compense pour leur manque d'individualité. Bon, c'est une forme. Puis c'est collectif. Il y a Daniel Kemp, lui, il faisait faire ses habits, il dessinait, puis il faisait faire. Je vois ça comme spécial, ça aussi. Dans le sens, comme Raël, là, qui est habillé en capitaine Cosmos. Bonjour, une haïtienne m'a dit que dans son pays, les gens font ce qu'ils veulent et qu'il n'y a pas de loi. Comment vous voyez cela? Ben, c'est pas vrai, premièrement. Voyons. Les gens font ce qu'ils veulent, puis il n'y a pas de loi en Haïti. Ah, oh, ouais. Parce que moi, mettons, là, en Haïti, là, je sais pas, là, le monde, ils font ce qu'ils veulent. Ils rentrent chez les autres, puis ils peuvent voler. Non, non, il va y avoir des lois tacite, communautaire qui s'installe d'elle-même. Il n'y aura pas de loi au sens. C'est pas pareil, là. C'est un autre mode de. Mais c'est pas vrai, ça, là. Les gens font pas ce qu'ils veulent. Demandez à un Haïtien. Demandez à un Haïtien qui est balayeur de rue s'il peut s'acheter une Lamborghini, puis. Voyons, là. Les gens dans son pays, les gens font ce qu'ils veulent et qu'il n'y a pas de loi. Oui, il y a des lois. Sinon, il n'y aurait pas de corruption. Ben voyons, là, c'est pas vrai, ça. C'est une façon de parler. C'est une façon de parler, puis il faut pas généraliser ça. Comme les Haïtiens sont portés à corriger physiquement leurs enfants, puis. Le système éducatif est bizarre au niveau des priorités, de ce qui est vraiment important ou pas. Il y en a, ils apprennent encore le latin à l'école. Ça va leur servir à quoi? C'est bizarre, là. Une culture spéciale. Contradictoire, comme le Québec, c'est une culture. Font ce qu'ils veulent et qu'il n'y a pas de loi, non. Ça dépend de quoi on parle, là. Ironiquement, les adultes qui sont capables de jouer, de redevenir des enfants sont souvent les plus adultes du lot. Les poquets du développement aiment trop leur vernis d'adultes sérieux et responsables. Ouais, peut-être. Mais c'est du cas par cas, ça aussi. Moi, j'étais en train de me demander c'est quand la dernière fois que je me suis amusé, là. C'est du cas par cas. Mais, oh ben, des fois, moi, tout simplement, je n'ai pas l'occasion, je pense. Mais je sais pas. Ironiquement, moi, redevenir enfant, je ne suis pas tout à fait d'accord. Il y a moyen de garder. Comment je pourrais dire ça? Je dirais les adultes qui ont gardé l'objectivité qu'ils avaient quand ils étaient enfants, puis l'espèce de spontanéité des enfants, tout en développant leur partie adulte, sans qu'une partie altère l'autre. Tiens. Dans le fond, c'est plus que. Tandis que l'autre, l'affaire, le vernis d'adulte sérieux et responsable, si c'est juste un vernis. Mais il y a une différence entre être sérieux et se prendre au sérieux. Puis il y a une différence entre un vernis de responsabilité puis de la vraie responsabilité, c'est-à-dire assumer. Je pourrais pas dire. Mathieu est tanné aussi d'entendre ça. L'amour, ça enlève toute volonté vibratoire, tout impact de colère vibratoire qui pourrait amener plus de force contre la manipulation. Ça, l'affaire de l'amour, là. Ok, c'est dangereux. Vraiment, là, l'amour, si on le dépsychologise, si on le dépolarise, c'est un principe qui fait que les âmes sont liées. Si on le dépolarise, c'est tout. Ça dépend de comment qu'on veut dire. Là. Mais l'affaire, là, l'amour, là, dans le sens. Vouloir le bien à tout prix de son prochain, puis. Ce qui pourrait amener plus de force contre la manipulation, quand vous dites le vibratoire, tout impact de colère vibratoire qui pourrait amener plus de force contre la manipulation, ben ça, c'est la preuve que cet amour-là, là, qu'on parle, là, c'est de l'amour planétaire polarisé, psychologique, subjectif, pas intelligent. Je le vois comme ça. Todd, les délégués aussi. Les délégués. Ouais. Je relis plus haut, là. Les adultes. Ben, Douglas Reed en parle des contacts S-Ouest pendant la Deuxième Guerre mondiale. Oh, ça se peut. Moi, c'est par intuition, je vous dis qu'à mes yeux, c'est un théâtre. J'y crois pas à ça. J'y crois pas. Sandra Vimont a dit chez Glenn que Trump est l'antéchrist. Ouais. Ben, tu mets des affaires elle, chez Glenn en plus, là. Comme à la vasta des matérialisations dans un vaisseau. C'était en plus, c'était comme hors contexte. Trump, est-ce que c'est l'antéchrist? Ça me dit que non. Mais ça me dit bien les niaiseries des fois. Est-ce que Trump, c'est l'antéchrist? Non. Moi, ça me dit que non. Je pense que non. Est-ce que c'est un sauveur, ça, mais au niveau de l'image, malheureusement, peut-être en tant qu'image, là, une image de sauveur. Mais Trump, moi, je le trouve pas mal plus insignifiant que ça. Ça lui donnait pas mal d'importance. Ça n'a pas le choix d'être un antéchrist, étant donné que le Christ n'est pas encore arrivé dans le second avènement. Non, je sais pas, là. Ben franchement, là, je trouve ça. En tout cas, c'est comme ça. Je sais pas, vous pensez quoi, vous, ça? Trouvez-vous que ça a de l'allure? Il faut rester simple, spontané, pas se prendre pour quelqu'un de grand. Moi, ouais, ben, quelqu'un qui reste à sa place, et il est grand. Dans le sens que. Avoir de la mesure plus que de la grandeur. Ouais, pourquoi pas? On est en quarantaine sur Terre, c'est ce que je pense. Pas agressif. Les incompétents que tu parles créent chez les autres des clivages psychologiques et d'autres ceux qui s'engagent dans la conscience supramentale, avoir certaines notions psychologiques pour faire du ménage. C'est parce que la conscience supramentale, à la base, c'est pas un engagement social, c'est un espèce de phénomène. Même il y a du monde, ils n'ont jamais entendu le terme, puis ils sont là-dedans. Puis ils n'ont pas rapport, ils ont pas le phénomène social, puis pourtant ils sont là-dedans. Mais pas dans le côté. C'est pour ça que c'est quoi ceux qui s'engagent dans la conscience supramentale devraient avoir certaines notions psychologiques. Ça dépend de quoi on parle. Ça dépend. En tout cas, à mes yeux, là. Comment parvenir à se faire recycler sur Terre? J'ai l'impression que plus on s'en soucie, plus on a des chances de. C'est drôle, je pense jamais à ça. Bonjour Lionel. Je sais pas. Premièrement, je me demande, est-ce qu'on vient se faire recycler sur Terre? Sais pas. Supramental, si ça tombe dans les bonnes mains, ça va, mais quand ça tombe dans les mains malsaines, ça peut faire des dégâts. Mais comme n'importe quoi, au fond. C'est comme n'importe quoi. Même la psychologie conventionnelle. Le supramental est de l'homéopathie vibratoire. Le poison doit être un catalyseur à la force vitale psychique. Ça, je trouve ça intéressant. Même s'il y a du. C'est un peu comme quelqu'un qui prendrait un petit peu d'arsenic de temps en temps, puis que ça le rendrait plus résistant. Puis que finalement, quand il arrive des fortes intoxications d'un coup, ben, la personne ne trépasse pas. Tu as dit dans un live il y a un bon bout de temps que vous voulez parler de. Du Reiki que c'était découvert avant. Mikaouz, oui. Aviez-vous la vibration de continuer sur ce sillon? Ben, pas vraiment, mais à mes yeux, c'est évident. Il me semble que j'en ai parlé dans ce live-là, d'ailleurs. Dans le sens, ça parle d'imposition des mains, même dans les évangiles. Puis après, il y a eu aussi des magnétiseurs, ces choses-là. Je veux dire, c'est quoi la différence entre ça et le Reiki? C'est juste qu'il y a eu une codification puis des techniques de développer, mais le principe de base, je vois pas Pourtant, t'sais, si c'est un principe agissant, c'est évident que ça a été c'était connu avant d'être codifié puis mis dans des formes spécifiques avant. Puis en plus, dans le fond, le Reiki, c'est pas quelque chose qui a été découvert, c'est une technique par rapport à quelque chose qui existait avant. En tout cas, je le vois comme ça. Puis c'est lié au magnétisme, là. Je veux dire, ben, ça vous tente, là, si jamais ça vous intéresse, là, lire peut-être Marquis de Puységur, puis des choses comme ça. Il y a des choses que c'est. Il y a des parallèles à faire, là. Même, je ne serais pas surpris qu'il y en a qui se complètent. En tout cas, il doit y avoir des techniques qui peuvent se compléter, puis être. Peut-être même, ça pourrait être complémentaire, peut-être. Il y a des choses étranges par rapport à ce qui l'autre aussi. Il n'y a pas juste le Marquis de Puységur. Il y en a un autre qui est bien intéressant. Un autre espèce de noble là, français, là. Je me souviens plus de son nom. Mais non, il y a eu. Puis on regarde, je me souviens avoir vu quelqu'un justement qui pratiquait le Reiki. Puis il se positionnait par rapport aux points cardinaux en mettant une main la paume vers le haut, puis l'autre main la paume vers le bas. Puis j'ai tout de suite reconnu certains principes qu'on voit là, dans le magnétisme. C'est des choses qui sont sues intuitivement. Après, on donne des formes, on développe des techniques. Donc, je disais ça possiblement par. Bon, je pense que l'esprit ne descend pas sur un être malsain, puisque la lentille doit être nettoyée pour permettre à l'esprit de descendre. Donc, supramental est incompatible avec les gens malsains. Pourtant, il y en a. Mais je parle, ça ne veut pas dire qu'ils ont un contact avec l'esprit, mais je parle en tant qu'un milieu. Il y a du monde malsain dans tous les milieux. Je suis un praticien depuis 5 ans, mais plus capable de lire ou me connecter à quoi que ce soit de spirituel, alors je développe ma technique. Vos ondes de forme et les symboles sont actifs en énergie. Moi, je sais. Mais c'est lié à des lois universelles, donc ça n'a pas le choix. Là. Mais bon. Je crois que tu n'as pas bien compris ma question, car la réponse ne peut être oui ou non. Je me rappelle pas, moi, la question. Bon, je vais aller voir ça. Oui, mais vous dites que le supramental n'est pas du poison pour l'esprit. En tout cas, une secte. Ça dépend de quoi on parle. C'est vous qui n'avez pas compris la réponse. Puis c'est même pas une question de comprendre. Regardez, là, il y a une différence entre le supramental en tant que phénomène social, en tant que sujet de conversation, en tant que spéculation psychologique, en tant que théorisation, puis le supramental en tant que phénomène, le phénomène en lui-même. Comme il y a une différence entre. Donc, j'ai pas le choix de dire oui et non, ça dépend de quoi on parle. Mais je pense pas. Ça, vous savez, c'est pas compliqué ce que j'ai dit, là. Ça dépend de quoi on parle. La question, là, est pas claire. Le supramental, vous parlez le phénomène social. Vous parlez le phénomène de spéculation psychologique, le phénomène. Ou vous parlez le principe en lui-même. C'est-à-dire qu'une forme d'intelligence qui arrive d'au-delà de l'intellect, parce que là, ça englobe beaucoup de choses. Donc, pourquoi ça serait un poison, ça? C'est pas compliqué, là. Vous seriez pas quelqu'un de spiritualisé par hasard qui est un croyant dans une obédience quelconque, là, une confession quelconque par hasard? Un pentecôtiste, quelque chose de même. Là. Parce que je vois, il y a un blocage, pas compliqué ce que j'ai répondu, là. Ah, guide. Guide spirituel, c'est pour récupérer l'énergie des gens. Ben, il y en a qui sont encore spiritualisés, sont à ce stage-là. Donc, ça fait partie de leur programmation, mais on dirait que, ouais, mais on dirait tout qui anthropomorphise un phénomène. en un guide. Tu as suivi BDM, il faisait une généralité sur la spiritualité horizontale. Oui, en général, sur la 2D astrale, c'est le cas. Il y a une spiritualité universelle sur la 6D multidimensionnelle pure verticale. Ouais. Ça dépend ce qu'on entend, là, le mot spiritualité, là. C'est parce que la spiritualité, là, c'est le mot qu'on va donner à une forme quand on intuite de l'intelligence en dehors de l'ego, puis on entre en contact avec, là, puis que ça va mettre en vibration les corps, là, comme l'émotionnel, ces choses-là, puis ça va engendrer notamment le mysticisme. Moi, c'est le terme spiritualité ici, là, spiritualité universelle sur la 6. Des multidimensionnels peu verticales, je trouve que c'est des formes pesantes, ça, là. C'est pour ça que j'accroche un peu, là, surtout spiritualité. Le principe de l'esprit puis la spiritualité, à mes yeux, c'est pas pareil. Quels sont ces sectes qui utilisent le supramental de manière dérivée au bolo? C'est pas à moi de. Je parle pas des sectes au sens d'une organisation spécifique, mais. Puis de manière dérivée, ils ne vont pas se servir du supramental de manière dérivée, mais se servir de l'instruction qu'ont laissé les gens versés dans le supramental, entre autres, ou de sujets qui ont été abordés, entre autres, à mes yeux. Puis une secte au sens des groupuscules qui vont tirer un profit quelconque. D'une façon des fois qui pourrait être discutable. Je n'ose pas de mes affaires de commencer à. En tout cas, comme par exemple, quand quelqu'un qui est consultant dans le supramental commence à faire de la consultation, notamment des parents qui ont des enfants problèmes, puis leur amènent leurs enfants, puis tout, là, je commence à trouver ça un petit peu dangereux. Un petit peu dangereux. Puis tôt ou tard, l'ordre des psychologues va s'en mêler. S'il y en a qui font de la psychologie évolutionnaire, là, entre guillemets, là, puis qu'ils commencent à empiéter sur d'autres terrains, puis qu'il y a un revenu qui est tiré de ça, puis l'amour, l'amour, l'amour, ça c'est New Age. Ben, il y a le principe de l'amour, puis il y a l'amour, là. Ça dépend de quoi on parle. Mais je sais que. Prenez. Il y a de l'amour qu'on va appeler de l'amour, puis c'est juste de la fascination, puis. Ou une forme de. En tout cas. Parce que prenez une femme battue qui pense que son mari va changer, puis elle l'aime, là. C'est de l'amour de mal. C'est l'amour qui est supposé, c'est pas lucide, nécessairement. Puis c'est en tant que force, là, des fois. Est-ce que l'on choisit notre pays lors de la réincarnation? Nous sommes liés à des mémoires. J'ai l'impression. Ça me dit que non. Mais c'est quoi un ego avant l'incarnation? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un choix au sens où on l'entend? C'est ça, là, l'affaire, là. Puis pourquoi se poser des questions comme ça? Je veux dire, comme moi, mettons que j'ai une réponse ou que j'en ai pas, ça change rien. Je veux dire, qu'est-ce que je peux faire de concret avec ça dans ma vie, là? Est-ce que l'on choisit notre pays lors de la réincarnation? Nous sommes liés à des mémoires, c'est de la programmation. D'après mes yeux, il y a de la programmation, puis c'est toujours lié à des mémoires. Mais il faudrait pas se mettre à hiérarchiser les gens en disant, ben lui, un tel, c'est une jeune âme parce qu'il a décidé de venir au monde au Honduras. Puis, vous savez, là, ça peut vite engendrer des choses que, bon. Ce n'est pas Trump l'Antéchrist, non, je pense pas non plus. Ça voudrait dire qu'il est pas mal moins inquiétant qu'on pouvait penser. Glenn, il a fait un live hier soir, j'ai mis un com qu'il tourne autour du pot et même les gens, mais où je me demande. Attendez là. Glenn, il a fait un live hier soir. J'ai mis un commentaire qui tourne autour de pot Du pot, ou pas trop. Du pot, ils m'aiment, les gens, mais où je me demande. Ah, où? Ouais. C'est leur affaire, hein, vous savez. Moi, je me demande pas où ils les mettent. Et je ne sais pas non plus. L'affaire, c'est que, bon, j'ai pas envie, là, de penser à ça. Glenn, je l'écoute pas. Puis, le monde qui le suit, c'est parce qu'ils ont la vibration de le suivre. Puis là, je dis entre guillemets, c'est pas rien. En tout cas. Une théorie du complot explique que Donald Trump possède une machine à voyager dans le temps. Je vois plus ça comme une théorie du complot, je vois plus ça comme ce qu'on pourrait appeler de la mythologie populaire. Une sorte de légende urbaine là, que vous parlez le roman, là. Le petit roman pour enfants qui a été publié dans le. Vous savez, il y a des fois des parallèles étranges, puis il y a des fois des coïncidences étranges, puis il semblerait que ce soit lié à on dirait que des fois des similitudes vibratoires vont déclencher ce qu'on pourrait appeler entre guillemets, des coïncidences, mais qui sont peut-être des parallèles. Mais personnellement, non, je pense pas que Trump ait une machine à voyager dans le temps. Parce que, bon, sinon, Ivana Trump aurait pas l'air de ça. Puis il serait encore avec, peut-être, ou Melania serait pas faite opérer. Ou... Mais non, là, je fais des farces, mais vous savez, là, à un moment donné. Ah, oh, personne ne connaît le réel de l'amour, car le réel de l'amour, c'est de co-créer. Pour cela, il faut d'abord retrouver sa réelle identité, ne faire qu'un avec soi et devenir le propre créateur de sa réalité. Après, il devient possible de co-créer. Moi, vous co-créez de toute façon. Comment je pourrais dire ça? Dans le sens que si vous êtes créatif, il va y avoir une collaboration qu'on ne veut pas, parce que les hommes, l'âme nous lie aux autres, qu'on le veuille ou pas, de par ses lois. Donc, puis, quand vous dites retrouver sa réelle identité, ça, j'ai un petit peu de misère avec ça, parce qu'à mes yeux, l'identité réelle, pas la réelle identité, mais l'identité réelle, c'est quelque chose qui va se densifier à mesure qu'il y a une subjectivité qui brûle. Puis, est-ce que nous recouvrons un état premier? Ça serait plus évolutif, à mes yeux, comme idée. J'ai de la misère un petit peu avec ça, mais il y a du jouer un peu, là, ce que vous voulez dire. Puis, bon, c'est correct, là. Trump, je ne le pense pas être l'antéchrist ni le sauveur. Ils annoncent beaucoup de choses, mais il n'y a rien qui vient. Je ne le sens pas être mauvais pour autant, moi. Bon, non plus. Trump, c'est Trump, là. C'est pas un mauvais bonhomme, là, je pense pas. Mais faut dire que j'en veux un peu, là. J'ai l'impression. Il est tenu par quelque part. Il y a quelque chose. Ils ont quelque chose sur lui, ça se peut pas, là. J'en veux un peu. J'y en veux. Oui, j'y en veux. Pourquoi? Parce que il y a du monde qui avait confiance en lui. Ils ont donné un premier mandat, puis il n'est pas allé jusqu'au bout de son affaire, semble-t-il. Mais là, il semblerait que on verra ça, on le saura en temps et lieu. L'amour est un mot galvaudé. Tout ce chaos n'existerait pas si nous étions réellement conscients de nos créations. On n'aurait pas cette saveur putride. Attendez, nous étions réellement conscients et nos créations n'auraient pas cette saveur putride. Vous goûtez du putride, vous? Je suis d'accord que l'amour, c'est un mot galvaudé, dans le sens que ça charrie beaucoup de choses et que ça invite à une subjectivité d'interprétation. Moi, à mes yeux, l'amour, c'est un principe cosmique de liaison. Donc, c'est lié au vibratoire. Il existe de l'amour. Il peut y avoir de l'amour pas intelligent. C'est pas nécessairement de la haine. On sort de la polarité. Donc, si on prend un autre principe comme l'intelligence, on pourrait dire que l'amour intelligent, ça donne de le respect, par exemple. Donc, ça vient créer. Puis il y a dans le respect la notion d'espace. puis de distance. Mais en même temps qu'une liaison de liens, quand même. Donc, le respect pourrait faire que, loin ou près des yeux, il y a le cœur pareil parce qu'il est devenu un deuxième cerveau. C'est l'affaire de l'amour. Si on parle au sens l'amour, les yeux dans la graisse de Bine, en tant que sentiment animal, c'est-à-dire de l'animé qui est incarné sans intelligence, là, c'est sûr que c'est très puissant. C'est ça qui fait qu'entre autres, une chatte va tout faire pour sauver ses petits, ça on peut le dire, mais aussi ça peut être ça qui fait qu'elle s'en débarrasse à un moment donné. Puis l'affaire, c'est qu'il faut que ce soit ajusté. De l'harmonie. Mais oui, c'est sûr que c'est galvaudé. Ah, bonsoir Stephen. Enfin, bonjour. Ah, vous savez, c'est pas bien, bien important. Progressive Connection. Il y a le Reiki Shambhala multidimensionnel aussi comme technique de magnétique. Moi, à mes yeux, je passe toujours les mêmes principes, mais il y a différentes techniques qui ont été développées. De la même façon que vous pouvez jouer un morceau de musique avec différentes techniques de mécanique des doigts sur un clavier, le résultat à l'oreille va être le même. Pourtant, dans les faits, Mikao aura découvert des symboles anciens présents dans des sutras tibétains. Ouais. Oh là là. Bon, les vieilles affaires. Moi, les réminiscences comme ça qui reviennent, puis qu'il y a des choses qu'on ne peut pas être capable de redécouvrir avec sous de nouvelles formes, ça prend des vieux supports, puis je viens que ça se réactualise, puis ouf. Il n'y aurait pas eu moyen de le redécouvrir, mais sans être obligé d'être appuyé par des circonstances. Reiki Shambhala, c'est trop de symboles. 300, c'est assez pour s'éparpiller, se perdre. Vous savez, là, c'est là que je trouve ça tombe dans du. Que c'est ça, Sylvie, vous avez. Bonjour, Louis-Jacques. Sylvie, vous avez enlevé votre message. Mystère guerrière, j'ai l'impression que toute nation spirituelle, particulièrement le New Age, sont arrivées pour nous mélanger tout simplement. Ben, ça crée un contexte expérimental, un terrain. De toute façon, même avant le New Age, même avant que, à la fin du 19e siècle, on nous amène des affaires de New Age, c'était déjà tout mêlant. On était déjà mêlés, puis bon, moi je le vois pas comme toutes les notions spirituelles, moi, c'est parce que ça vient noyer le poisson. Quand il y a trop de stock, là. À cause du décalage horaire Belgique-Canada, je ne sais pas suivre en direct la live, je le regarde le lendemain, toujours fidèle aux bonnes. Ah bon, tant mieux, il ne faut pas tout le temps avoir juste du. En tout cas. Ben, merci. Alternatif, pourquoi vous arrivez pas de suivre la live? Pourquoi vous arrivez pas de suivre? Je sais pas, là, de quoi vous parlez. Je rentre du travail à 18h. Steve, bonjour. Bunker, je n'ai pas été surpris de la réponse que tu m'as donnée face au supramental. Il faudrait se parler face à face pour mieux saisir dans notre perception. Oui, mais ça se fera pas. Je pense pas que ça se fasse, pourtant c'est pas compliqué là. Si c'est pas, s'il y a pas moyen de se comprendre de même, on se comprendra pas plus face à face. Des bonnes chances là. Parce que le supramental c'est un principe. Là, ça dépend de quoi on parle. Pourquoi ce serait un poison? Si t'as pas de ça là, je pense bien que. En tout cas. Vous savez, j'ai été. En tout cas, je ne commencerai pas à exposer ma vie personnelle. Là. Ce que je peux vous dire, c'est que moi, ça n'a pas été un poison. Au contraire, que je ne me serais pas désintoxiqué d'un paquet de choses sans ça. Il y en a qui font du poison avec n'importe quoi. Avec. Parce que ça prend la forme de leur. En tout cas. Quel est ultimement le but de tes lives? Alternatif, ok, bon, oui. Quel est ultimement le but de tes lives? Ben, c'est d'échanger avec du monde. Ça permet de voir autre chose des fois. Des fois, quelqu'un me dit quelque chose, je vois quelque chose. Mais ensuite, quelqu'un arrive avec autre chose, là, je vois autre chose. Puis des fois, ça me permet de. Je finis. C'est à force d'échanger, hein, avec des gens qu'on finit par voir quelque chose, puis autre chose, puis autre chose, puis autre chose. On finit par. Ça crée il y a des choses qui s'intègrent, il y en a d'autres. Donc, ultimement, le but de mes lives, c'est pour engendrer un mouvement, un dynamisme, puis avoir l'habitude aussi de travailler avec la vibration de différentes personnes. Ça me force à changer très rapidement d'état d'esprit, entre autres. Donc, ah, Mélanie, ah, je me souviens plus, là, de quoi était question. Olivier, Poulain, t'es très bon live. Ah, ben, merci. Je fais mon possible. Mon vieux, moi, ouais, ben, j'ai pas l'air vieux, mais en même temps, moi, je me sens vieux, des fois. Le phénomène suprême a fait déchirer mes illusions encore et encore, c'est intelligent. Ben, c'est un peu pour ça, là. C'est pour ça l'affaire de poison, je la pogne pas, parce que c'est pas une doctrine. C'est pas. Il y a jamais rien qui est une assertion ou parfaitement solide, parce que c'est lié à ce qu'il y a derrière les formes. Donc, dynamisme. Oh. Ouais, peut-être. Mathieu, un ego qui a la crainte de ne pas passer son initiation, à quoi cela peut servir? Faudrait-il couper et ne pas penser à ces choses, de se centrer sur une qualité de vie ou devrait-il foncer? J'ai beaucoup de difficultés à comprendre ça, qu'on peut avoir la peur de ne pas passer son initiation. L'initiation, en gros, là, c'est de venir à bout de vivre comme il faut, là, puis de pas justement, t'sais, si vous êtes relativement bien dans votre peau, puis que vous venez à bout de t'sais, c'est un peu réussir sa vie, là, réussir son initiation, c'est tout. Il n'y a pas de. Je comprends pas le cassage de tête, là, lié à ça. Dans le sens, pas important. Il y a des choses qu'on se casse la tête avec, puis c'est pas important. La vie, est-ce qu'elle est importante en tant qu'initiation ou bien vivre, c'est pas important. On devrait s'arrêter à l'idée que de vivre bien, d'être bien avec soi-même, de pas juste le fait de pas avoir peur. Foncer, boire des petites doses d'arsenic vibratoire. Moi, je dirais plus que ça dépend la structure de la personne qui reçoit. Ça, ce qui est de l'arsenic pour un peut être une petite eau inoffensive pour d'autres, donc. Progressive Connection. Il y a de l'amour conditionnel 3D. La majorité de la masse est l'amour inconditionnel 4D. Il y a une incompatibilité entre le peu de gens dans l'amour inconditionnel les amenant dans la composition aveugle. Votre affaire de 3D, 4D, là. T'sais, ça, j'avoue que ça me fuck un peu, là. L'affaire, c'est quoi ça? Qu'est-ce que vous voulez dire par il y a de l'amour conditionnel 3D, la majorité de la masse, et l'amour inconditionnel 4D, c'est-à-dire vous ajoutez. Vous spatialisez ça pas mal, là. Ça devient un petit peu 2D, 3D, 4D, c'est comme plus la brassière est grosse, plus il y a de l'amour. Je sais pas, là, est-ce que là vous arrivez jusqu'à 6D? Ça dépend ce qu'on entend par ça. Puis j'avoue que je comprends pas l'affaire de Mathieu. Il me manque seulement l'aspect financier économique. Je sens que ma crainte est plus de

On revenait là-dessus, puis je viens que des fois, je viens. Le but des lives aussi est de répondre à un besoin. Ben, faut qu'il y ait un dynamisme. C'est un peu comme. Comment je pourrais. C'est comme faire de l'exercice. C'est important. Il faut que le corps, s'il bouge plus, il se calcifie, il se raidit dans le mauvais sens du terme, il devient. Puis là, la santé décline. C'est la même chose avec les autres principes. Donc, le but des lives, c'est oui, ça répond à un besoin parce qu'il faut que ça bouge, faut qu'il y ait un dynamisme, il faut que. Puis dans ma vie de tous les jours, je suis dans une petite ville, puis je ne veux pas parler de conscience avec mes proches. Puis je veux pas de groupe de discussion ici. Donc, bon. Tu sais, j'ai assez de passer pour un airbag sans plus passer pour un capoté en parlant de ces affaires-là avec du monde dans ma vie. Donc, Progressive Connection, j'ai structuré les dimensions 1D conscience de soi, 2D conscience astrale, 3D conscience mentale solaire, 4D amour inconditionnel, galactique, 5D éthérique esprit, 6D conscience cosmique, la source. OK, mais là, vous êtes en train de systématiser, c'est-à-dire vous êtes en train de pomorphiser de l'énergie dans des nouvelles formes. Ben, quand vous allez être arrivé au. C'est correct. Quand vous êtes arrivé au bout de vos toutes les dés, là, ça va vous allez éclater ça. Fait que possiblement, là. Les chiens mira. Ouais, je suis pas sûr que les chiens Mira soient, mais des fois, là. Le chien Mira, il t'aide à traverser la route. Il t'arrange pas pour te garrocher dans le trafic puis te faire paniquer. Tandis que les chiens que je parle, souvent, c'est ceux qui ont fait. Puis, pour apprendre justement, les chiens Mira, ils redonnent pas la vue à force d'être pris dans le trafic. Tandis que les chiens que je parle, ils réussissent à faire ce tour de force-là. Puis plus on les haït, plus ça va vite, on dirait. J'ai vécu aussi la précarité. L'argent a beaucoup d'importance pour moi. J'ai décidé d'être aisé et je n'ai pas plus. Et je n'ai pas plus jamais eu de soucis de ce côté-là. Et je n'ai plus jamais eu de soucis de ce côté-là. Bon. Parce que au niveau de la spiritualité, par exemple, ou de la moralité, souvent, on va se foutre dans la misère. Parce que. Il y a quelque chose d'une subjectivité là-dedans. Puis c'est lié, on dirait, au surmoi, puis à la culpabilité, puis c'est lié aussi à l'enfance. Puis il y a un paquet de choses, la sécurité, puis ces choses-là, puis il y a des blocages. C'est pas bon signe d'être dans la grosse misère. Puis le fait d'être dans la grosse misère, on dirait que c'est d'une parfaite logique. Pour justement réintégrer le fait que c'est important, puis redevenir pragmatique, redevenir plus. Donc, fait que, bon, c'est moi, j'ai rien contre les gens qui veulent faire du profit, là, tant que c'est pas au détriment d'autrui. Il m'est arrivé quelquefois de ne plus avoir d'argent et d'engueuler le contact en lui disant de se bouger et en quelques jours après, l'argent tombait. Il m'en donnait pas mal sans que je lui demande à lui. Ah, c'est surprenant. Peut-être qu'un jour, le contact n'est pas incarné, donc il ne se rend pas compte de nos contraintes. Enfin, selon moi, il faut le lui rappeler. Pourtant, ils servent beaucoup de la misère. De la précarité, ils servent beaucoup de l'argent. Bon, moi, j'en prends plus, j'en laisse, là, que ça comprend pas, là. Pas sûr. Je souhaite que tu développes dans ta réponse sur ma structure multidimensionnelle. Moi, mais je me souviens plus. Le dynamisme produit de l'électricité. Oui, c'est vrai. Comme on devient. Là, quand on a un centre, là, il y a un rotor qui tourne à un moment donné. L'expérimental va générer. Il va être enfin rentabilisé. Le dynamisme produit l'électricité, oui. Ah, l'affaire 3D et 5D. Ben, à un moment donné, vous allez arriver au bout de ces formes-là. Sinon, ils servent à quoi? Le réel va tout le temps être indicible quelque part. Donc, il va y avoir d'autres formes, puis d'autres formes, puis d'autres formes. Ça m'est arrivé 3 fois, et à chaque fois, c'est 10 000 euros qui m'ont été donnés ou payés par un travail bienvenu et peu fatigant. Eh bien. Ah bon, ben, je vois rien à redire. Une personne ayant réussi à être dans le supramental peut-elle encore vivre avec sa famille? Ben oui. Si vous êtes plus capable de vivre avec votre famille puis votre entourage, j'espère que c'est une phase puis que ça va durer juste un temps. Parce que c'est pas normal. On est censé intégrer une façon ergonomique de gérer l'énergie, puis ça veut dire aussi les rapports sociaux, puis d'installer de l'harmonie, puis d'être capable d'ordonner de la structure harmonieuse. C'est pas normal de plus avoir d'entourage. C'est pas normal. On est censé moins être en conflit à un moment donné, là. En tout cas. Je traverse la précarité, mais ça fait partie de l'initiation. Peux-tu parler de maladie planétaire? Ben, je vois pas ce que vous entendez par là. À mes yeux, les planètes sont pas malades. Ils ont des phases de vie, puis il y a une transformation, mais c'est pas vraiment des maladies dans le sens. Il va y avoir une réaction là, par rapport à peut-être des fois à des choses au niveau de certains effets, mais bon. 1D, 3D, 4D, quand je vois la tête de Bertel, je suis obligé de rigoler. Bon, c'est correct. Sylvie, c'est personnel ce que je vis. Je suis en apprentissage depuis longtemps et il est bien difficile d'exprimer en mots le réel. Donc, je suis assez low profile des personnes près de moi depuis plus de 30 ans. Ben, oui, mais il y a moyen quand même d'avoir. Mais là, je vois pas par rapport à. Je vois pas le lien avec ce qui aurait été écrit avant. Parce que je suis en apprentissage depuis longtemps. Il est bien difficile d'exprimer en mots le réel, donc je suis assez low profile. Le réel, on peut le parler, apprendre à le parler pour intégrer, mais je pense que c'est pas nécessaire pour que ce soit vu et intégré nécessairement. C'est par le mouvement surtout, on dirait. Donc, low profile, ça dépend. C'est ajusté des fois, mais ça doit pas tout le temps être ajusté d'être low profile, là. Donc, ça dépend. C'est du cas par cas. C'est difficile de me faire une idée. Mais si vous êtes en apprentissage depuis longtemps, moi depuis plus de 30 ans, c'est parce que si ça bloque tout le temps aux mêmes affaires ou que. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui aurait un projet de livre pendant 40 ans. À un moment donné, moi, je me choquerais. Je dirais, ben là, soit je le publie, soit j'arrête de l'écrire, ça avance pas. J'espère que c'est pas une stase comme ça, là. Progressive. Connection, ben c'est une forme multidimensionnelle pour des repères, pour l'intégration éclairée des dimensions. Le multidimensionnel qu'on parle, c'est pas spatial, c'est vibratoire. C'est pas pareil, là. Plusieurs plans peuvent occuper un même espace, là, dans le vibratoire, c'est pas. Mais moi, ouais, je pense que je comprends. Ok, moi. Ouais. Pour des règles pour l'intégration éclairée des dimensions. Bon, on peut intégrer une science des dimensions, mais les dimensions, on est intégré par elles, on est multidimensionnel. C'est difficile, là, de. Cellule, or, ma famille bénéficie de mon intégration alors que nous étions en guerre avant. Ça, c'est intéressant. Parce que c'est pas normal que. C'est normal qu'il y ait des phases de chicanerie, des choses comme ça. Mais à un moment donné, soit il faut qu'il y ait une harmonie dans les échanges, puis qu'il s'installe quelque chose qui n'est pas des blocages, ou bien qu'il n'y ait plus de lien, là. Parce qu'à mettons qu'il y aurait tout le temps de la chicane parce que c'est en face que ça bloque, ben là, maintenant, il faut prendre la décision de dire, ben là, je vais couper les ponts. Ça ne marche pas. Dans le sens que ça ne donne rien de perdre l'énergie s'il n'y a pas possibilité, mais normalement, s'il y a une intégration de certaines choses, il n'y aura plus de conflit avec la famille. C'est comme. Je suis venu à bout de m'entendre avec mon père quand j'ai su qu'il allait mourir. J'ai pris sur moi, puis les dernières années, j'étais pas en guerre avec. Pourtant, on n'était pas vraiment en guerre, mais je veux dire, c'était plus harmonieux. L'ère de la numérisation avec l'ère des pandémies associée au pouvoir parce que la masse planétaire le permet par ignorance ou déni. Notre système s'autodétruit, laissera-t-il la place au nouveau? Ben, ça n'a pas le choix, c'est ce que vous décrivez. Si ça s'auto-détruit, si ça s'auto-détruit, il va y avoir, ça s'auto-décrit aussi, hein, à mesure qu'on le voit, mais si ça s'auto-détruit, il va y avoir quelque chose après. Ça fait partie des cycles puis de l'aspect espace-temps. L'ère de la numérisation avec l'ère des pandémies associées au pouvoir parce que la masse planétaire le permet par ignorance ou déni. C'est par les deux, il va y avoir un déni de ce qui est su, donc il n'y a pas intégration, donc il y a une ignorance en même temps technique. Puis au fond, là, une chose que je remarque, c'est que ça suit son cours, les choses vont finir par. Ben franchement, là, je suis moins inquiet qu'il y a depuis quelques années. C'est étrange, hein? Que penses-tu du groupe des chefs que Daniel Kemp avait créé, les expériences qu'ils ont vécues à Montebello dans le dôme et les voyages temporels? Je suis pas au courant de tout ça. Vous parlez comme quand il avait amené sa gang dans le bois puis qu'il appelait Satan, là, puis que les arbres tombaient, là. Je pense pas grand-chose de ça, là. Mais je suis pas au courant. Mais c'était pour eux. L'expérience était pour eux autres. Donc, comment je pourrais penser? Je voulais dire que je ne sens pas de séparation ou de difficulté. Ah oui, ah bon, ben, tant mieux, je veux dire. Malgré que des fois, ça. En tout cas. Bonsoir à tous. Tu as parlé de Gustave Le Bon dans un live. Pour info, on trouve la psychologie des foules en PDF gratuit en ligne. Oui, c'est pas de lui que je parle. La psychologie des révolutions. J'ai eu la difficulté à avoir. Puis moi, j'aime ça avoir le livre physique. Puis il est difficile de le trouver. Oui, le PDF, il est facile à trouver. De toute façon, vous avez une bonne édition aux Presses universitaires de France, là. Pof! Tu sais, les petits pofs rouges, là, qui est pas pire. Mais la psychologie des révolutions est plus difficile à trouver. D'autres livres aussi, lui. Progressive Connection. Moi, je vais y aller bientôt, là. Parce qu'il faut que je me positionne autrement, là. En fait, il y a l'être multidimensionnel et les consciences multidimensionnelles cosmiques. C'est cohérent avec que la pensée vient d'ailleurs en conscience supramentale. J'avoue que ça va un peu loin, là. Les consciences multidimensionnelles cosmiques. La conscience, au sens de, comme je l'entends, c'est tout le temps cosmique. Parce que la conscience psychologique, à mes yeux, c'est pas de la conscience vraiment. C'est quasiment de l'intelligence artificielle, le psychologique. Puis, il a fait l'être la multidimensionnelle et les consciences multidimensionnelles cosmiques. Est-ce que ça rejoint les égos autrement que par. Ouais. Ouais, je pourrais considérer la source comme une conscience multidimensionnelle cosmique, mais. À cause du côté lien avec. Mais oui. Non, savez-vous que ça se tient pareil? Ok, je pense que je comprends. Je déteste lire en numérique et j'ai essayé de lire le bon. J'étais incapable, j'ai eu une passe de lecture dans la vingtaine. Mais le mieux, c'est d'avoir l'objet, là. Bonjour Didier. Le mieux, c'est d'avoir le livre physique. Mais je suis comme vous, là, je suis pas capable de lire du numérique. Mes yeux se fatiguent assez vite. Ah ben bonjour Didier. Donc, j'avais dit justement que je serais moins actif un peu sur Internet. J'en profitais pour la fin de semaine, là. Comme je disais là, au début du mois de mars, je vais être occupé. Puis, bonne fin d'après-midi, ben merci. Puis, comme je vous disais, bonne soirée là, aux gens qui sont en Europe. Moi, je vais quitter parce que je pense que je voudrais que je me place autrement. Là, je suis pas, après 2 heures là, et quart, là. Est-ce que tu trouves la Lune à quelque chose qu'on comprend? Est-ce que tu trouves que tu trouves la Lune est quelque chose qu'on comprend pas très bien? Ben oui. Oui, il y a beaucoup de choses intéressantes que j'aurais à dire sur la Lune. J'ai connu des gens qui regardaient tout le temps le calendrier lunaire avant d'aller travailler, qui avaient des métiers un peu actifs, là, surtout la nuit, là. Mais oui, la Lune, ben, il y a certains aspects de l'être humain qui sont psychomagnétiques, là. La Lune, en tout cas, livre PDF, vous pouvez imprimer, oui, mais ça se tient pas très bien, là. Je t'enverrai un courriel pour m'expliquer plus clairement dans ma structure multidimensionnelle. OK. Ben oui, ça fait un bout de temps, là, ça fait plus de 2 semaines que je suis pas allé dans ma boîte courriel. Bien, je vais possiblement y aller, là, peut-être au début de la semaine. Je verrai. Bonne fin de journée. À présent, merci. Bon, ben, merci à vous. Donc, bon, merci Sylvie. Bon, ben, bonne soirée. Bon après-midi à tout le monde. Au revoir.